de piège et il pense que c'est peut-être un enchantement. Il voit, il regarde à son doigt, il y a un anneau dont la pierre telle force avouait qu'enchantement ne le pouvait tenir. Donc en fait, s'il regarde à la pierre, il ne pouvait pas être enchanté. Et voilà. Il nous dit que la pierre avait été donnée par celle d'âme, une fée estouette, qui de l'anel donnait l'Iavouette, cette dame qui était une fée qui lui avait donné l'anneau. Et si le nourrit en s'enfance, sa vouette en lit molt grand fiance. Donc il avait en elle une grande foi entière. Donc c'est effectivement la dame du lac qui va après prendre ce rôle. Mais là, on nous dit juste que c'est une fée qui a élevé Lancelot. Ce que Yvain rencontre, c'est des litiges qui sont finalement très, très clairs. Des cas où une femme est déshéritée par son aîné, une femme qui n'a pas de mari, donc qui ne peut pas administrer son domaine, des femmes qui sont exploitées dans une espèce de fabrique, 300 ouvrières qui sont en train de tisser, apparemment sous la tutelle de démons. Donc il y a vraiment cette idée du chevalier qui va secourir des femmes en péril. Mais disons, c'est des périls qui sont très concrets. C'est pas une dame retenue par un dragon, c'est pas une dame dans une tour, il n'y a pas vraiment d'idée d'enchantement. Finalement, les périls qu'elles affrontent, c'est des choses qui découlent de la condition féminine. Ben oui, mais vous avez pas de femme du tout, c'est encore mieux. On dit que je suis fidèle. Je comprends pas vraiment, vous êtes fidèle à qui si vous avez pas de femme? C'est débile cette histoire. J'aime une femme en secret, et n'en aimerai pas d'autre jusqu'à ma mort. Elle épouse un personnage très important, et qui plus est, d'un ami fidèle. Ah, ça c'est autre chose. Mais enfin, vous êtes quand même spécial, hein, quitte à choisir qu'une seule femme, vous pouviez pas en prendre une libre. L'amour a ses raisons que la raison ignore. En attendant, ça doit pas être la rigolade tous les jours. Je trouve mon bonheur dans la solitude et dans l'errance. Encore une chance. Mais bon, vous connaissez la loi, ami ou pas ami, si vous voulez la femme de quelqu'un... Il faut que je le tue. Ben voilà. Il faut que je le tue. Et après... Mais après, vous allez voir la dame, vous entamez la conversation, je sais pas moi... Rex Quandam, Rex Quae Futurus. Épisode 6, Lancelot ou le chevalier de la charrette et Yvain ou le chevalier au lion, deux romans de Chrétien de Troyes. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quandam, Rex Quae Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Alors aujourd'hui, deuxième partie de notre série sur Chrétien de Troyes. On a fait une première partie qui introduit le personnage en général, ainsi que ces deux premières œuvres arthuriennes qui nous sont restées, le Erec et le Cligès. Et aujourd'hui, on va en voir deux autres qui sont certainement plus familières pour vous, son Lancelot et son Yvain. Le chevalier de la charrette donc est le chevalier au lion, comme ils sont souvent connus. C'est d'ailleurs assez intéressant, on peut se poser la question de plus, parce que là on commence à avoir, enfin on en parle souvent comme le Lancelot, comme le Yvain, il y a aussi Perceval qui a ce régime, mais les titres sont plus, les noms des chevaliers sont vraiment chevalier de la charrette, le titre usuel en tout cas. Donc c'est assez intéressant peut-être de voir un passage à un côté plus symbolique peut-être, les chevaliers qui sont plus, les contes qui sont plus désignés par des éléments importants de leur histoire que par des prénoms. Aussi parce qu'après il y a 14 œuvres qui s'appellent Des Perceval. Oui, des bon, Lancelot. Alors ça c'est peut-être aussi une raison. Yvain a eu un peu moins de succès, comme on le dira en passant, mais il reste quand même un personnage, peut-être au second plan, mais un personnage arthurien important. Il est peut-être un peu plus représenté effectivement dans la littérature arthurienne courante que Cligès, certainement avec Erec. Après, il a rarement un statut central dans les histoires qu'on va voir après Chrétien de Troyes. La seule histoire qui donne beaucoup à faire à Yvain, en fait, j'ai l'impression que c'est Camelot, en fait, la série d'Alexandre Astier, ouais. Et qui pour ça doit en faire un membre de sa famille. Voilà, réorganiser l'arbre généalogique. Voilà, donc c'est assez important pour le faire monter au premier plan. Donc on l'a dit la dernière fois, une des tensions primordiales qui est au cœur de ces romans courtois de Chrétien de Troyes, c'est la tension entre les impératifs de l'amour, les impératifs que le chevalier a envers sa dame, et les impératifs de la chevalerie, de l'aventure, des tournois, de la chose guerrière en général, si on veut. Et c'est quelque chose qui va clairement se voir dans le Lancelot et dans le Yvain, peut-être d'une façon encore plus accomplie qu'on avait pu voir dans Erec. On va voir la même chose, une espèce de miroir inversé de l'histoire d'Erec avec Yvain, c'est-à-dire qu'il se marie, mais ensuite, par amour des tournois, parce qu'il aime les tournois, il néglige sa dame et il n'honore pas sa promesse de rentrer, et basiquement, il le répudie. Ce qui déclenche une série d'aventures peut-être rédemptrices où il va pouvoir devenir un meilleur chevalier, un meilleur mari aussi qu'il n'était avant, et retourner auprès de sa dame. Tandis que le Lancelot, bien sûr, Lancelot, c'est un élément incontournable de la légende arthurienne à partir de là, de ce chevalier qui a un amour adultère avec la femme du roi Arthur, avec Guenièvre, et c'est au final à part le Perceval, c'est le seul roman de Chrétien de Troyes qui du coup ne va pas se finir par un mariage, parce que bien sûr ils ne sont pas mariés. Ouais, enfin techniquement Yvain ne se termine pas par un mariage non plus d'ailleurs, enfin, remariage d'une certaine façon, mais une union, une réunion, disons. C'est une histoire qui a ses impératifs narratifs pour le coup, puisque Lancelot ne peut pas faire les mêmes preuves d'amour pour sa dame en public, en tout cas, que les autres chevaliers. Et c'est certainement quelque chose qui est assez intéressant d'explorer ce côté beaucoup plus discret, ou la nécessité d'être discret, qui n'est pas forcément remise en question par Chrétien de Troyes. Il ne va pas utiliser ça pour dire « Ah, c'est très mal, c'est horrible !» Il n'y a pas du tout un panégyrique contre l'adultère, justement. Ouais. C'est vraiment très, très... justement, positif, l'amour du chevalier pour sa dame. Parce que si on regarde ce qui se passait dans Cligès, on voyait quand même, le fait d'aimer plusieurs personnes à la fois n'était pas montré d'une manière très positive. Et là, c'est sauvé presque par le fait que Arthur sort complètement du tableau. C'est-à-dire que Arthur existe pratiquement pas dans ce roman. Oui, Arthur a l'air d'être plutôt là pour dire « t'es un bon gars, Lancelot ». J'ai une amie qui a d'ailleurs écrit une fanfiction dans laquelle Lancelot bien entendu est au centre d'un couple avec Arthur et Guenièvre. Et on va le voir dans l'histoire. En fait, ça fait assez sens parce que il y a des éléments de l'histoire qui sont difficiles à réconcilier autrement. Si on n'admet pas que Arthur est au moins au courant de la relation entre les deux, ouais. On va le voir. Parce que c'est une tension qui existe dans cette conception de l'amour courtois, parce que traditionnellement c'est entre une dame et un chevalier avec qui elle n'est pas mariée. Avec qui elle n'est pas mariée. Mais évidemment c'est quelque chose de platonique traditionnellement. Alors que là c'est vraiment vu comme quelque chose de charnel. Et ça va être illustré d'ailleurs comme d'habitude par Chrétien, qui, même s'il fait non mais je ne vais pas en parler trop en détail parce que ça n'est pas la matière de ce conte, mais qui décrit quand même de façon assez pas très prude justement les relations charnelles entre Guenièvre et Lancelot. Les deux œuvres, ça fait sens de les examiner chronologiquement parce qu'elles ont été écrites l'une après l'autre, et en fait elles ont été écrites en même temps probablement en partie, c'est-à-dire que Chrétien autour de Troyes va... de 1177 1177, peut-être un peu plus tard, la datation n'est jamais complètement certaine. Il aurait écrit Lancelot sur commande de sa dame de Champagne, comme il le dit dans le texte, elle lui aurait donné la matière et le sens, donc autrement dit elle lui aurait commandé, je voudrais une histoire de l'amour de Lancelot et Guenièvre probablement, et lui il aurait ensuite mis les formes. Il va pas le finir, il va le confier à un certain Godefroy de Lainy pour le conclure. C'est lui qui va signer la fin du conte à partir du moment où Lancelot est enfermé dans une tour, et probablement parce qu'en même temps il va devoir finir son Yvain, donc les deux ont été écrits en même temps, et aussi les deux font référence à l'intrigue de l'autre. Non, Yvain fait référence à Lancelot, pas l'inverse. C'est-à-dire qu'il semble que Yvain ait été écrit pour un public qui soit familier en tout cas avec le narratif de Lancelot, ce qui pourrait impliquer, s'ils ont été écrits plutôt, donc du coup publié entre guillemets en même temps, ça pourrait impliquer effectivement que l'histoire de Lancelot était connue avant, et que le traitement qu'en fait Chrétien est justement un retraitement, mais qui n'est pas spécifiquement celui auquel il fait référence dans Yvain. Mais par contre, Lancelot ne fait pas du tout référence à Yvain. C'est-à-dire qu'on va voir un moment des gens qui disent « Ah, je suis en train de chercher Gauvin », mais en fait Gauvin n'est pas là, parce qu'en fait il est parti, il est en train d'aller secourir Guenièvre, donc il n'est pas là. On peut essayer de réconcilier les deux d'ailleurs dans une espèce de chronologie, parce que ça se passe plus ou moins dans une dimension sur quelques années successives, parce que on repère les mêmes fêtes qui se retrouvent. Après, c'est difficile de faire exactement correspondre les choses, sauf à étendre un peu l'histoire de l'un ou de l'autre, donc c'est pas forcément cohérent, d'être cohérent, disons. Voilà. Donc, on avait déjà mentionné dans notre épisode sur les vies de saints un prélude à cette histoire de Lancelot, qui est dans une vie de Saint Gildas par Caradoc de Lancarfen, Donc début du 12e siècle fin... Ouais, milieu du 12e siècle, je crois, plus ou moins. Enfin, première moitié du 12e siècle, a priori. Où justement, il nous racontait que Guenièvre avait été kidnappé par un certain Meloas, seigneur du pays de l'été. Ou Estivas Regio, je crois, selon en latin. Donc ça pourrait être le Somerset, selon Somerset. Ouais, logiquement. Mais enfin, l'idée est que Guenièvre est effectivement enlevé par un personnage du nom de Meloas, et on va le voir. Le déclencheur, l'élément déclencheur de l'histoire de Lancelot du Chevalier de la Charrette, c'est un personnage qui s'appelle Méléagant. Qui arrive, qui vient d'un pays sans retour, le pays de Gore. Il est le fils du roi de Gore, pour être exact, qui s'appelle Bademagu, et il arrive à la cour du roi Arthur pour dire qu'il retient otage dans son pays plusieurs dames et chevaliers de la cour d'Arthur, et qu'il va pour toujours les tenir en otage. Et il met au défi Arthur d'envoyer à sa poursuite un chevalier accompagné de sa reine. Très très précis comme menace, enfin bon. Ouais. Arthur décide, qu'est-ce qu'on en affiche, c'est pas. T'as pas envie sa reine. Ils sont prisonniers pour toujours, c'est pas grave. Il ne peut y remédier, le ressent douloureusement. Donc Méléagant met Arthur au défi de lui envoyer un chevalier avec la reine et de se battre en duel contre le chevalier avec la reine pour la guerre de la reine. Et si le chevalier bat Méléagant, et bien la reine est rendue au roi ainsi que tous les prisonniers, et sinon, elle part avec Méléagant et le chevalier. Donc Guenièvre a une espèce de mise dans une espèce de défi. Du coup, qui n'est pas dans la grande salle quand Méléagant dit ça, mais avec les servants en train de manger, entend la chose, devient furieux, décide tout de suite que Arthur ne vaut plus rien parce qu'il n'a pas réagi immédiatement en partant à sa poursuite. Et c'est ce qui est en tout cas l'implication de la phrase. Et il dit à Arthur, je pars, donne-moi mon congé. Ce à quoi Arthur est un peu désolé. Il envoie la reine pour essayer de lui persuader de rester, et la reine obtient qu'il reste en échange d'une faveur qu'Arthur doit lui accorder. Donc évidemment Arthur lui accorde la faveur, et la faveur c'est que veut prendre la reine pour aller poursuivre Méléagant, probablement pour se prouver, enfin c'est l'arrogance de queue quoi, c'est un motif assez typique. Il se fait battre apparemment immédiatement, parce que la prochaine fois qu'on le voit, en fait, il est apparemment en civière, pas tout de suite nommé, mais on voit... On ne voit pas ce qui se passe, mais Gauvin, quand on le voyait parvenir, décide de partir. Trouve des signes d'une grosse bataille, il a visiblement été enlevé avec Guenièvre, et il croise un chevalier qui a un cheval qui est très épuisé, qui est aussi visiblement à la poursuite du convoi, et il donne au chevalier un de ses chevaux frais pour qu'il puisse continuer la poursuite, et il le rattrape finalement un peu plus loin avec le cheval mort, il retrouve le chevalier avec le cheval qu'il lui a donné mort, il lui redonne un autre cheval pour poursuivre la poursuite, et il tombe sur un nain qui est décrit comme maléfique. Chrétien n'aime vraiment pas les nains, il les déteste, et le nain offre aux chevaliers de leur montrer la voie. En échange, ils doivent monter dans une charrette pour qu'il leur montre la voie, et Chrétien nous dit qu'à l'époque on n'avait pas des charrettes par milliers comme on en a aujourd'hui, on avait une, et c'était là-dedans qu'on mettait les condamnés, et elle servait justement à l'équivalent du pilori. Donc c'est un truc qui vous donne une mauvaise réputation si vous montez dans une charrette. Un truc infâme. Et puis bon, c'est de là que vient le titre du chevalier à la charrette, justement. Parce qu'il va être référé comme un charretier après être monté dans cette charrette, ce chevalier qui n'a pas de nom pour l'instant. Ouais, les gens, apparemment, immédiatement, tout le monde dans le pays est au courant. Il y a des gens, des gens voient Lancelot. Enfin, parce que c'est Lancelot, on n'a pas dit encore, mais c'est Lancelot, ce chevalier. Il est pas encore nommé. Il est pas encore nommé, c'est pour ça que on parle pas de son nom. Mais le chevalier à la charrette va monter dedans. Il va être instantanément réputé d'être un mauvais chevalier qui est monté dans une charrette. Quel déshonneur. Mais il est tellement à la poursuite justement de Guenièvre qu'il décide de monter quand même. Gauvin qui filare le piège l'essuie à cheval parce qu'il est malin. Gauvin. En fait, j'ai l'impression que Gauvin c'est systématiquement un peu le Worf, tu sais, c'est le gars très fort, très très sage et qui du coup doit avoir des emmerdes qui lui arrivent pour le bloquer et l'enlever des aventures du chevalier qui est concerné, parce qu'autrement il arriverait puis il résoudrait tout sans problème. Il serait il est vraiment encore le chevalier idéal. Donc du coup il le poursuit vers le lieu arrive des aventures, il tombe chez des dames qui les retiennent, enfin qui leur offrent un lit pour la nuit, mais un des lits est refusé à Lancelot parce que la dame dit « Ah, t'es un mauvais chevalier, t'es monté dans la charrette », en gros, c'est ce qui se passe. Ouais. Et puis il dit « Non, tant pis, je vais quand même me mettre dans le lit », et puis il s'affaire que ce château s'appelle le château de la lance enflammée, mais pas pour rien. Il y a une espèce de lance enflammée qui déchire le meuble et qui se plante à son côté pendant la nuit, un de ces espèces d'enchantements. Oui, c'est... C'est assez curieux, tout ce paragraphe est très curieux. Le lendemain, au moment où ils vont partir, ils aperçoivent justement un convoi où la reine est menée au loin par Méléagant, et avec justement ce que dans la civière, enfin dans la litière, transporté parce qu'il est visiblement blessé. C'est pas explicite. Hein. La première fois que je l'ai lu, il faut quand même mettre les pièces du puzzle ensemble. On vous dit il y a une compagnie de dames, de chevaliers, il y a un type dans une charrette, on vous dit pas que c'est qu'eux, il y a un chevalier qui les mène, il y a la reine, il y a tout le monde qui pleure. mais vous mettez deux et deux ensemble, puis vous voyez qu'en fait, ben, c'est le convoi qui cherche. Et Lancelot est captivé par la vision de la reine qu'il a à ce moment-là. Je sais pas s'il est déjà à la poursuite de la... Enfin, il est visiblement déjà à la poursuite de la reine, mais c'est là vraiment qu'il la voit. Et il tombe à moitié de la fenêtre en la regardant, il manque de s'évanouir. Enfin, il a des réactions très, très, très, très corporelles, en fait, face à cette dame. Il est saisi par la vision de la reine. Et donc, du coup, ils partent à leur poursuite encore une fois. Et ils vont arriver petit à petit en Gore. Et là, ils vont rencontrer une damoiselle qui va leur expliquer qu'il y a deux passages pour entrer dans le pays de Gore, le pont sous l'eau et le pont de l'épée. Alors là, Gauvin va choisir le pont sous l'eau, il va sortir de l'histoire pendant un bon moment, on va comprendre pourquoi après, et le pont de l'épée revient donc à Lancelot. Lancelot alors va en direction du pont de l'épée, alors il lui arrive de nouveau une série d'aventures, il tombe sur un guet défendu, il doit se battre contre après avoir battu le cheval du guet. Il tombe chez une dame qui est amoureuse de lui. Et qui lui propose en fait de partager, qui le force plus ou moins à partager son lit. Genre, il lui dit, vous pouvez dormir chez moi, mais vous devez dormir avec moi dans mon lit. Puis Lancelot est là, genre, ah non, j'ai pas très envie de dormir avec vous. Enfin, il y a un sous-entendu sexuel qui est assez évident. Il la sauve d'une espèce de simulacre de viol, justement, ou de viol. On ne sait pas très bien si c'est un jeu ou si c'est... Donc c'est une scène, il arrive au château, elle lui dit, vous devez dormir avec moi. Et il accepte un peu, parce qu'il peut pas dormir ailleurs, etc. Mais il est clairement réticent, mais il accepte quand même. Elle l'amène dans un château où il y a personne. Il mange seul, puis finalement elle s'en va. Après, il entend du bruit et en fait, il voit une scène de viol à l'étage. En fait, il arrive à l'étage et il voit une porte qui est gardée par des guerriers et il y a quelqu'un qui est clairement en train de violer cette dame. Elle est en train de crier et d'appeler à l'aide. Et il se dit mais qu'est-ce que je vais faire? Si je prends la traduction que j'ai, il voit de quelle façon ignominieuse l'autre tenait la demoiselle dénudée jusqu'au nombril. Il est rempli de honte et mal à l'aise de les voir nus l'un contre l'autre. Il ne ressentait nulle jalousie, mais il y aurait de l'honneur à la secourir, car l'entrée était gardée par deux chevaliers tout en armes, l'épée nue à la main. Quatre serviteurs se tenaient derrière, munis chacun d'une hache, capable de trancher en deux une vache à travers l'échine aussi aisément qu'une racine de guenévrier ou de genêt. Et donc là, il tergiverse un peu parce qu'il se dit « Ah, quand même, je suis parti pour sauver Guenièvre, mais là, j'ai une autre aventure qui me tombe dessus. » Finalement, il décide de l'aider, il se jette contre eux, il les bat tous. Mais là, il tranche le bras à un type, mais là, il se rend compte que c'était en fait une mise en scène. Et ouais, elle renvoie les types... Les types faisaient partie... En fait, c'était un test. Elle disait « Ah, c'était pas vraiment un viol, hein. tu y as cru. Bon, » il y a un type qui s'est fait trancher le bras dans tout ça, donc c'est des acteurs plutôt engagés. Donc du coup, après cette victoire contre ce simulacre de viol, il est un peu obligé de partager sa couche à ce moment-là. Il y en a un seul lit. Il se déshabille, il se met nu sans enlever sa chemise, hein, nous dit le... Donc on se met en sous-vêtement, en tout cas selon les normes médiévales, et il se couche dos à dos. Enfin, lui, il se couche en mettant son dos à la dame, sans prononcer mot comme un frère convert, tellement il est dédié justement à l'amour de Guenièvre. Il nous dit que l'amour, bah, justement, tient son cœur et que... Il dit quand même, ah, c'était une jolie dame, mais il aimait Guenièvre, alors il n'en fait rien. Et finalement, elle va se coucher dans la chambre à côté parce qu'elle voit que finalement, le cœur n'y est pas. Après cette nuit un peu étrange, la dame part avec lui, elle fait un bout de route avec lui, et ils aperçoivent à un moment une espèce de perron près d'une fontaine, et sur le perron, il y a un peigne. Et c'est un peigne d'ivoire, et elle le trouve très beau, elle demande à Lancelot de lui en faire cadeau, et ce qu'il fait, mais quand il voit le peigne, il voit des cheveux dans le peigne, et il s'aperçoit que c'est des cheveux de Guenièvre. Parce qu'ils sont tellement beaux et tellement fins et tellement magnifiques que c'est peut-être que les cheveux de Guenièvre. Ils ont la couleur de l'or, ils sont d'une blondeur incroyable. Et c'est en fait c'est elle qui lui dit que c'est les cheveux de Guenièvre. Et du coup, quand il entend ça, il s'évanouit limite sur sa selle. Elle l'aide et du coup, il lui donne le peigne et il garde les cheveux, il les serre sur sa poitrine comme un trésor précieux. Pour justement... Plus précieux qu'une relique, Plus précieux qu'une relique, limite, oui, c'est exactement ça. Et juste après, du coup, il tombe sur un prétendant, qui est en fait le prétendant de la damoiselle. Mais le prétendant va... ils arrivent dans le pré-au-jeu, en fait, c'est comme ça que ça s'appelle l'espèce de zone où il va avoir de plus en plus de problèmes, d'aventures qui vont lui arriver. Et là, il y a un long discours entre le jeune prétendant et son père, qui se dit non, vaut mieux pas que tu combattes ce chevalier, il a l'air trop courageux, trop brave, tu vas... Et du coup, ils le suivent un peu de loin pour voir où il en est, et il y a le fils qui est là, non, mais je pense que je peux gérer, je dois probablement pouvoir le battre, le père essaie de le tempérer. C'est là qu'on voit en fait quelque chose qui est assez important dans les romans de Chrétien de Troyes, surtout à partir de là, c'est des doublons, c'est-à-dire on a l'impression de revoir certaines scènes ou de voir des scènes qui en préludent d'autres. Là, par exemple, on voit un père qui essaie de tempérer son fils, et c'est la même relation qu'on verra entre Bad Magu et puis Meleagant. C'est-à-dire que Bad Magu va dire à son fils, écoute, tu es emporté, comporte-toi bien, sauf que Meleagant va refuser ça, tandis que là, on a un exemple de la bonne relation. Voilà, ils sont dans justement un pré-au-jeu, il y a des fêtes, des jeux et tout ça qui traversent. Des gens qui jouent au trick-track ou au dé... J'ai pas bien compris la symbolique du pré-au-jeu, mais enfin, je veux dire, c'est censé être plus ou moins une espèce de fête foraine. Enfin, une espèce de... Des gens s'amusent. En tout cas, ils traversent ce pré-au-jeu, ils arrivent dans un cimetière d'un coup, et ils y voient les plus belles tombes du monde, qu'on peut voir de la Dombe jusqu'à Pamplune, et ils voient des tombes sur lesquelles il est inscrit des noms, et ils trouvent une tombe où il dit « Ici reposera Gauvin, ici Louis, ici Yvain ». Donc l'implication, c'est que c'est des tombes pour des futurs chevaliers. Des chevaliers qui vont mourir. Et ils trouvent une tombe immense et magnifique, la plus belle tombe, mais qui n'a pas de nom, et on lui dit « Ce sera la tombe qui libérera... en fait, les hommes du pays de l'ogre qui sont emprisonnés au pays de Gore. » Et on découvre en fait que le pays de Meleagant a bel et bien une large quantité d'exilés qui sont entrés dans le pays de Gore mais qui ne peuvent pas en partir. Et c'est pas vraiment expliqué pourquoi. Est-ce que c'est un enchantement ? Il y a l'implication que c'est un enchantement, je pense. Est-ce que c'est une coutume ? Est-ce que c'est une interprétation, si vous aimez les mythes celtiques, machin, c'est que finalement c'est l'autre monde. C'est l'autre monde. C'est la Nound. C'est le monde des morts ou l'autre monde. Et donc ils sont prisonniers là-bas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui peut les libérer, et sur la tombe, c'est écrit « Celui qui lèvera cette dalle par lui seul délivrera tous ceux et celles qui sont en prison au pays dont nul ne sort. » Donc, pays dont nul ne sort, c'est clairement... ça peut être un euphémisme pour le pays des nobles. « Ni serf ni noble, à moins d'y être né. » Donc, les habitants du pays peuvent sortir, par contre. Personne n'en est jamais revenu. Les étrangers y sont retenus prisonniers, mais les gens du pays vont et viennent à leur guise pour entrer ou sortir. Alors, Lancelot arrive, il soulève la dalle, et puis il y arrive sans effort à la soulever. C'est sa future tombe, en fait. C'est la tombe de Lancelot. Il ouvre sa propre tombe. Mais il voit pas son nom dessus, du coup, parce que sinon, ce serait trop facile. Et donc, les chevaliers le fils et le père qui le suivaient voient ça et se disent, effectivement, ce chevalier est assez impressionnant. J'ai bien fait de pas l'affronter. Vous aviez raison, mon père. Et puis, du coup, il le laisse tranquille. Donc après cette aventure, il refuse toujours de donner son nom d'ailleurs à la jeune fille et au moine qui gère le cimetière. Hein, il leur dit « Je suis juste un homme de la cour d'Arthur ». Donc on comprend qu'il vient de la cour d'Arthur, ce qui est un peu complexe parce que Gauvin ne semblait pas le reconnaître en fait. Non, les gens ne le connaissent pas. Donc du coup, il tombe sur un vieil homme qui est un arrière-vassal, un vavasseur, un peu comme dans Eric d'ailleurs, où le père de Dénil est un vavasseur. Et on explique qu'il il vit en captivité à Gore, mais il vient de l'Ogre à la base, il est né à l'Ogre avec ses enfants. Il lui dit que alors c'est malheur qu'il soit venu, il est dans l'asservissement et dans l'exil, maintenant il ne peut plus revenir. Et il explique qu'ils sont au pays de Gore, que c'est un habit de gens déloyaux qui sont pires que des sarrasins, que la voie sur laquelle il va se mène au pont de l'épée, que le pont de l'épée c'est un danger, mais surtout que la voie qu'il prend est directe mais très dangereuse. Et il lui suggère de prendre une voie moins directe, plus longue mais très sûre. Du coup, Lancelot évidemment refuse parce qu'il est brave et décide d'aller directement par le passage des pierres. Et il est accompagné par un des fils... Deux des fils du vavasseur. Donc après avoir passé le passage des pierres avec l'aide des jeunes fils, les jeunes fils décident de rester avec lui jusqu'à ce qu'il les adoube comme chevalier. Ils arrivent chez un homme et il leur dit, l'homme c'est là qu'il y a un homme qui leur propose de rester chez eux. Sauf que juste à ce moment-là, il y a un serviteur qui arrive et qui dit, les hommes de l'ogre se sont rebellés contre nous et Lancelot et les fils du vavasseur se retournent contre leur hôte et mènent à la victoire une rébellion. Alors il y se passe un moment et c'est là qu'on voit la référence à la Dame du Lac en fait dans Lancelot, parce que pendant la rébellion ils sont enfermés dans un espèce de piège et ils pensent que c'est peut-être un enchantement. Il regarde à son doigt, il y a un anneau dont la pierre telle force avouait qu'enchantement ne le pouvait tenir. Donc en fait s'il regarde à la pierre, il ne pouvait pas être enchanté et voilà. Il nous dit que la pierre avait été donnée par celle dame, une fée estouette qui de l'annel donnait l'Iavouette, cette dame qui était une fée qui lui avait donné l'anneau, et si le nourrit en s'enfance, s'avouette en lit molt grand fiance. Donc il avait en elle une grande foi entière, donc c'est effectivement la dame du lac qui va après prendre ce rôle, mais là on dit juste que c'est une fée qui a élevé Lancelot. Et qui lui a donné un anneau qui lui permet de dissiper l'enchantement. C'est une herse qui en fait est tombée derrière eux, mais en fait... Ils pensent d'abord que c'est un piège magique, et c'est clairement pas le cas, donc après ils arrivent à forcer la pierre, à tuer tous les ennemis et à battre les méchants. Et il y a de nouveau un épisode d'hospitalité pour aider le chevalier. Il poursuit vers le pont de l'épée et il tombe sur un chevalier orgueilleux qu'une damoiselle lui suggère de combattre. Il le combat, il l'épargne d'abord, mais ensuite, après l'avoir vaincu, une jeune fille à la mule lui demande de le tuer. lui demande la tête du chevalier vaincu. Effectivement, il le décapite et il donne la tête à la jeune fille, à la mule. Il hésite beaucoup, en fait. Est-ce que je dois obéir à cette dame? Est-ce que je dois faire preuve de charité et donner de la tête à cette dame, ou est-ce que je dois faire preuve de pitié et épargner le chevalier? Il hésite un peu et finalement, il le décapite. Parce que la dame lui dit que c'est un traître et qu'il est mauvais, qu'il est déloyal, qu'il est l'être le plus déloyal qui a jamais vécu. Et en fait, c'est un prélude de probablement la fin du roman où... Ce qui laisse penser qu'en fait, la fin du roman, même si elle n'a pas été écrite par Chrétien, il avait plus ou moins... Il en avait l'intention qu'elle finisse comme ça. Voilà, en tout cas. Parce qu'elle finit... Spoiler alert. Elle finit avec la décapitation de Méléagant. Et surtout avec le retour de la jeune fille en question. On va voir. Qui est sur une mule, hein, c'est important. Retenons cette jeune fille à la mule. Et après ça, donc du coup, il peut passer le pont de l'épée que l'orgueilleux chevalier voulait l'empêcher de passer. Il traverse le pont qui est en fait une épée posée sur un ravin. C'est qui fait, je crois, ça fait quoi, 5 ou 6 mètres si on traduit en unité moderne. Ouais, quelque chose comme ça. C'est donc une longue lame qui doit passer dessus et donc il se fait extrêmement mal aux pieds, aux mains, un peu. Enfin, il se fait extrêmement mal parce qu'elle est aiguisée, quoi. Il doit passer sur une lame de rasoir, basiquement. Et de l'autre côté, il voit le château justement où vit Méléagan et où vit son père, le roi Bademagu, qui le voit passer le pont par la fenêtre. Mm-hmm. Et le roi Bademagu, en voyant ce chevalier qui arrive si héroïquement, envoie des hommes pour le secourir et le fait soigner, en fait. Il y avait autre chose, c'est qu'il voyait sur la rive, il voyait 2 lions sauvages, mais en fait c'était un enchantement parce qu'il les voit plus quand il regarde son anneau. Voilà, donc là l'anneau est utilisé. De nouveau, son anneau lui permet de dissiper des enchantements. Et Bademagu, justement, l'accueille, qui est un... Bademagu est un homme très noble, alors on comprend pas pourquoi du coup il laisse son fils retenir la reine prisonnière, ce qui laisse penser que le royaume lui-même doit avoir des règles plus précises qui vont au-delà de l'autorité de Bademagu, justement, parce que Méléagan fait plus ou moins ce qu'il veut, en fait, dans une certaine limite, disons. Et du coup, il voit la dame et il défie, du coup, Méléagan. Et il y a donc un combat entre Méléagan et Lancelot. Et là, Guenièvre arrive et elle regarde le combat depuis la fenêtre. Et Lancelot est en mauvaise posture dans le combat. Et là, une jeune fille qui assiste au combat, elle voit bien que Lancelot est en train de perdre. Elle dit à la reine, elle demande à la reine, mais madame, connaissez-vous le nom de ce chevalier? Parce qu'elle, elle ne le connaît pas. Et la reine lui dit, voilà, non, je n'ai aucun problème à te le révéler, il s'appelle Lancelot du Lac. Donc la reine connaît le nom du chevalier, visiblement le connaît avant, parce qu'il y a pas d'épisode où elle tombe amoureuse de lui visiblement à ce moment-là, donc elle semble le connaître. Après il y a différentes incohérences. Hein, C'est relativement incohérent, mais enfin elle voit pas. Et du coup la jeune demoiselle qui soutient Lancelot lui crie son nom et dit ta reine te regarde, ta dame te regarde, et du coup ça remplit Lancelot de courage. Parce qu'il faut se dire qu'il a un désavantage parce que justement il est extrêmement blessé aux mains et aux pieds. On dit que ses mains et ses pieds ne sont que coupures, et donc forcément il est un peu... Ce qui prouve d'ailleurs son héroïsme, parce que le roi lui voulait libérer la reine immédiatement, une déclenche souhaitait arriver, et Méléagan, c'est Méléagan qui s'est opposé, qui a imposé le combat, hein. C'est vraiment Méléagan qui veut à tout prix retenir la reine. Méléagan est vraiment prétendu comme l'unique antagoniste. Il n'y a pas son père n'est pas de son côté, vraiment tout le monde... C'est vrai que Lancelot affronte quelques chevaliers comme ça en chemin, mais... Il affronte essentiellement Méléagan, en fait, c'est une différence, je pense, avec Erec certainement, et un peu moins avec Cligès, qui a quand même une figure antagoniste, c'est l'oncle de Cligès, mais qui n'est pas moins maléfique que ça. Là, il y a vraiment un méchant. Mais on dit littéralement, disons, Méléagan, c'est clairement un miroir de Lancelot en négatif, c'est un excellent chevalier, on dit qu'il est plein de bravoure, il a aucune peur, c'est en combat il est extrêmement fort, mais il a un cœur de pierre et il a absolument pas les vertus qui vont avec, disons, ses prouesses chevaleresques. Et il kidnappe Guenièvre, donc on a, disons, vraiment cette espèce de... Oui, alors il est amoureux de Guenièvre, mais lui, il ne passe pas par le chemin logique, qui est l'amour courtois, qui n'est pas un amour charnel, normalement, et il la kidnappe, justement, effectivement. Le rapte. Du coup, finalement, motivé par cet appel de la demoiselle, Lancelot reprend le dessus, et finalement, le roi finit par interrompre le combat, il a réussi à interrompre le combat, et dit, bon, arrêtez de vous battre maintenant, on ajournera le combat pour un moment, Méléagan rend la reine à Lancelot, mais à la condition que Lancelot, et là il nous dit, sans le moindre délai, quel que soit le moment choisi, dès qu'il en aura sommation, se battra un an après, jour pour jour, de nouveau avec Méléagan. Ok, dès qu'on lui signifiera que Méléagan est prêt pour le combat, un an après, il devra se battre. Exactement. La chose donc est suffisante pour Lancelot, qui dit d'accord. La bataille, si elle aura lieu, à la cour du roi Arthur, seigneur de Bretagne et de Cornouailles, nous dit le récit. Et la reine est d'accord, Lancelot donne sa promesse, tout le monde est très content, parce que apparemment même les gens de Gore préfèrent Lancelot à Méléagan. Tu m'étonnes pas qu'ils soient un peu en colère, mais Méléagan est toujours décrit comme étant en colère. Hein. Mm-hmm. Et là, Lancelot apprend aussi qu'il va revoir Queux, qui est retenu prisonnier avec la reine, et Queux, il est très content de le voir, mais il demande à Queux, mais pourquoi la reine me traite si si méchamment, parce que la reine, effectivement, le regarde à peine, elle a un regard contrarié, elle lui adresse peu la parole, il dit qu'il a perdu son temps en venant la chercher, que après avoir dit à Lancelot qu'il lui a couvert de longtemps en gagnant là où il n'avait pas pu gagner, explique qu'il ne sait pas pourquoi la reine est en colère. Du coup, la reine l'a accueilli très froidement. En fait, la raison, c'est pas parce qu'il est monté dans la charrette, comme on pourrait le penser, mais parce qu'il a hésité avant de monter dans la charrette, ce qui explique que ne sache pas pourquoi elle est en colère contre lui. En fait, il a hésité deux pas, effectivement, avant de monter dans la charrette du nain, et elle est pas contente parce qu'il aurait dû monter directement pour l'amour d'elle. Ce qui implique, de nouveau, une fois qu'il y a une relation préexistante entre Lancelot et Guenièvre. Et aussi que les nouvelles vont vachement vite parce qu'elle connaît le détail même de combien de pas Lancelot a hésité avant de monter dans la charrette. Ouais, visiblement, il y avait toute une foule autour. Il est en tout cas dans un endroit assez peuplé. Enfin, visiblement, parce qu'il doit y avoir des gens, parce que tout le monde est au courant dans les moindres détails. Après cette épisode de froid avec Guenièvre, où elle est visiblement en colère avec lui et où lui il est un peu il sait pas quoi faire, il décide de partir à la recherche de Gauvin et il est capturé par un groupe de villageois d'habitants de Gore qui pensent qu'en fait les gens de l'ogre sont toujours prisonniers et que Gauvin n'a. Les nouvelles vont pas si vite que ça. Lancelot est visiblement là, par contre personne n'est au courant. Lancelot doit être ramené à la cour du roi de Gore et finalement il est ramené et la méprise est expliquée. Mais entre-temps, il y a un épisode où les deux amants justement croient que l'autre est mort. C'est-à-dire que Lancelot est capturé, donc il y a la rumeur qu'il est mort qui se répand. Et puis du coup, Guenièvre essaie de se suicider, enfin, en ne mangeant plus. Elle arrête de manger, ouais, du coup, il y a une rumeur qui dit que Guenièvre est morte, qui arrive à Lancelot, qui du coup essaie de se suicider en s'accrochant, en se pendant à sa selle et en se laissant traîner derrière son cheval. Mais heureusement, les gens le voient et coupent la corde. Et finalement, il parvient à survivre miraculeusement. Les amants maudits. Et là, il se passe en fait une aventure, c'est une merveille, nous dit le récit, c'est que Lancelot escalade la tour où Guenièvre, la chambre où se trouve la chambre de Guenièvre, parvient à enlever les barreaux de la fenêtre, à rentrer dans la chambre de Guenièvre. Il les arrache à la main. Avoir une nuit d'amour discrète parce que qu'eux dorment dans la même chambre. Ouais. Et le lendemain matin, le problème c'est que les plaies entre temps pendant la nuit de Lancelot se rouvrent et il y a du sang dans les draps. Et aussi, il se blesse au barreau. Oui. En enlevant les barreaux, il se blesse à la main. Et nous dit aussi que ses plaies se rouvrent, oui. Donc c'est censé être ses plaies de l'épée, je pense, du pont de l'épée. Enfin, en tout cas, il y a du sang dans les draps. Et le matin, quand Meleagan arrive dans la chambre, il voit le sang et il dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et la reine dit « j'ai saigné du nez. J'ai saigné du nez. » Et en fait, Meleagan lui pense que c'est que qu'il est blessé aussi, qui dort dans la même chambre, qui a commis l'adultère avec la reine. Il accuse que, et du coup il y a un combat judiciaire où Lancelot combat à la place de que, justement. Et il dit « Je certifie que n'a pas couché avec la reine. » Je sais très bien. Une défense très spécifique. Je sais exactement qui n'a pas couché avec la reine. Bon, c'est assez ambigu, justement, parce que finalement, Meleagan a accidentellement raison. Il y a eu une nuit d'amour adultère ici, il se trompe juste de coupable. Enfin, il se trompe juste de coupable masculin. Mais Lancelot le défend quand même. Enfin, Lancelot se défend finalement en défendant que par procuration. Donc on a un deuxième combat, symbolique, il y a trois combats en tout entre Lancelot et Meleagan. Et de nouveau, ce deuxième combat est interrompu assez vite par le roi qui dit « Mais qu'est-ce que vous foutez? Vous avez dit que vous battriez à la cour du roi Arthur, pas maintenant. » Du coup, que est dit de santé, un peu de fait. Et Lancelot décide de repartir encore une fois à la recherche de Gauvin, qui est toujours perdu, enfin on sait pas où il est. Et en allant à la rencontre de Gauvin, il tombe sur un nain. Et là, curieusement, le nain lui dit « Hey, il faut que tu me suives. » Et il le suit. Et voilà, c'était le piège le plus élaboré de Meleagan. Effectivement, c'était un nain qui était au service de Meleagan. Telle ruse ne peut pas être combattue. Voilà, Lancelot est donc assez. Parfois, j'ai pas trop fait des références impromptues comme ça, mais enfin, la notion de loyal con est effectivement. Ouais, non, il est. Disons sa loyauté, la confiance qu'il a en certains individus. Si Lancelot était pas aussi près de son honneur, en fait, l'histoire se finirait beaucoup plus vite. Et... oui, il y a un peu de ça. C'est vraiment assez curieux, quoi. Il lui dit, le nain arrive, il dit, mais qui d'entre vous est Lancelot? Parlez en toute confiance, je vous dis pour votre bien. Noble chevalier, viens, suis-moi. Je vais t'amener dans un endroit, un bon endroit, il dit littéralement. Viens dans Can Volt, Bont, le mener, te voile. Si tu viens avec moi, viens tant stos se t'ensemble au moi, viens sans personne avec moi, can molt buen lieu mener, je te vois, je vais te mener dans un lieu moult bon. viens dans cette ruelle sombre. Et personne ne viendra avec toi, mais qu'il t'attende ici, nous reviendrons dans un instant. Et lui, sans y voir, littéralement, s'il qui de nul mal ne se dote, ne se dotant d'aucun mal, il suit le nain qui l'a trahi. Et donc ils attendent, ils le voient parvenir, ils se disent qu'ils, et eux ils comprennent assez rapidement que le nain les a trahis, et du coup ils décident, les plus sensés décident, bon, on va aller au pont sous l'eau voir où est Gauvin, et Gauvin est bel et bien toujours au pont sous l'eau, et qu'ensuite ils chercheront l'ancien avec Gauvin. Il est toujours en train de se noyer en entier, apparemment. Il est, dès lors, au point, ils ont vu Monsieur Gauvin, qui, Monseigneur Gauvin, qui ayant basculé, nous dit le récit, Del pont trabuchier et chu, en l'œuvre qui est souhaité par fond, au nord et sort et autres à fond. Donc en fait, il est trébuché dans l'eau, il est tombé dans l'eau qui est très profonde, et il sort et il coule, et il sort et il coule, on le voit, il perd de vue. Et en fait, en gros, il est dans une espèce de cycle de machine à laver en train de se noyer à moitié depuis à peu près une semaine. Ça fait une semaine qu'il est en train de se faire waterboarder par un plaisir enchanté. En plus, il a toujours son Robert avec son home, et ses choses de fer sont en train de rouiller à cause de sa sueur. Il a vraiment. Souffert de peine traversant, donc il a dû, à mon avis, c'est peut-être pas une semaine qu'il est en train de se noyer, il a dû mettre une semaine pour atteindre le pont de l'eau, je pense, parce qu'il est visiblement porté, c'est la sueur qui a rouillé ses choses, à mon avis, il a dû les porter en continu pour à peu près 7 jours. Au début, il croit qu'il est mort, en fait. Et au final, il crache toute l'eau qu'il a avalée, et il peut encore respirer, il décide de revenir à la cour du roi Bademagu quand il apprend que Lancelot l'a sauvé, et il lui dit, bon, on ira chercher Lancelot. Mais en fait, c'est là qu'on explique que le roi décide d'ordonner à ses gens de chercher Lancelot parce que il dit que son traître de fils Mélagan l'a pris en prison. Et il exige qu'on la rende, mais évidemment, le Mélagan n'en fait rien, puisqu'il est parti, c'est pareil aussi. Et il y a une lettre qui arrive, du coup, qui dit que bonjour, c'est moi, votre ami Lancelot, je suis à la cour du roi Arthur, vous pouvez me rejoindre. Et du coup, tous les prisonniers du pays de l'ogre qui sont prisonniers à Gore partent avec Guenièvre, Gauvin, Queux et toute la compagnie en espérant retrouver Lancelot à la cour du roi Arthur. Et quand ils arrivent, ils disent non, mais on sait pas où est Lancelot non plus, on l'a pas vu. Lancelot est fait prisonnier, donc tout le monde est revenu à la cour, à part Lancelot qui est fait prisonnier quelque part et on sait pas où. Vous comprenez donc la structure est quand même assez, même si la structure est un peu plus simple que Erec et Enid ou Cligès, il se passe quand même des événements assez similaires à plusieurs reprises. Il y a beaucoup une des forces qui fait avancer le récit, c'est généralement des malentendus, c'est-à-dire qu'il y a une information qui passe qui est volontaire un mensonge ou bien une incompréhension, une fausse rumeur qui font avancer le récit, donc forcément. Donc du coup là, ils sont rentrés à la cour et entre temps, pendant que la reine n'était pas là, les dames 10 jours, tu vois, les dames étaient terribles parce que normalement la reine c'est celle qui gère la société à la cour, celle qui s'occupe d'arranger les mariages entre les nobles dames et les nobles chevaliers en train de se faire rencontrer. C'est vraiment la mère marieuse en fait un peu de la cour. Et les demoiselles sont après 10 jours, donc ça fait genre c'est 10 jours. À peine 10 jours que la reine n'est plus là, sont en terrible désespoir parce qu'elles ne pourront pas se marier. Et elles décident du coup d'organiser un tournoi pour trouver des maris. Pour trouver des maris en disant on va épouser les vainqueurs du tournoi. Et du coup elles appellent le roi, disent ah, mais la reine est revenue finalement, bon bah elle peut venir à notre tournoi. Et du coup, apprenant ça, Lancelot, qui est retenu prisonnier par un vassal de Méléagran, décide d'aller participer au tournoi et demande à la dame de ce vassal de le libérer. Et elle est amoureuse de lui, donc elle dit « Ok, je vais te laisser partir pendant 2 jours pour participer au tournoi. » Elle lui donne une armure vermeille, donc rouge, et il va se participer au tournoi. La dame, Guenièvre, visiblement comprend qui il est. Et pour prouver son amour, on lui demande d'abord, pendant le premier jour du tournoi, de se battre le pire possible. Et du coup, tout le monde le déteste après parce qu'il est vraiment un mauvais chevalier horrible. Elle lui dit de faire le nose, c'est ça le... Ouais, le nose, de faire le pire. Le mauvais, le pire. Et le lendemain, elle envoie une demoiselle parce que tout le monde pense qu'il n'est pas là en fait, parce qu'il a été tellement, il s'est tellement mal comporté. C'est là qu'on a l'habituelle liste de chevaliers. On nous parle de nouveaux chevaliers, de fils du roi d'Irlande. De leur blason magnifique. Voilà. C'est l'épisode Ivanhoé du bout. Et finalement, le deuxième jour, elle retrouve le chevalier, la demoiselle, et lui dit « La reine veut que vous battiez pour le meilleur. » Et au final, c'est lui qui gagne le tournoi, et toutes les jeunes filles tombent amoureuses de lui, évidemment. Même déjà le premier jour, avant qu'il commence à faire le mal, à faire le pire, elles étaient déjà amoureuses de lui. Donc elles sont complètement toutes, elles veulent toutes l'épouser. Et quand il disparaît, parce qu'il est retourné à sa tour, parce qu'il est, il est un homme d'honneur, il décide de retourner à tour où il est prisonnier. C'est un épisode qu'on va retrouver après dans Les Mortes d'Arthur, hein, et dans la Morte d'Arthur, c'est généralement l'épisode final. C'est Lancelot qui part d'un endroit où il est plus ou moins captif ou amoureux, où il est retenu par une amoureuse, où il va participer à un tournoi et la reine va lui donner des ordres de se battre plus ou moins bien. Là, en l'occurrence, il revient après le tournoi et la dame est très inquiète parce que si le mari apprend, parce que le mari de la dame est très inquiet parce que si Mélagan apprend, il va être en colère. Et les demoiselles sont tellement tristes qu'elles essaient de marier personne parce que Lancelot a disparu, elles voulaient toutes marier Lancelot. Donc du coup, personne ne prend personne pour époux. C'est un échec, ce tournoi. Et pendant ce temps, Meleagan s'est dit que bon, il faut se lancelot un peu, il faut une prison un peu mieux équipée pour ça. Il décide de construire une tour en 57 jours, on dit, sur le rivage, bien fortifiée et impossible à échapper. Et puis on va enfermer Lancelot là-dedans. Ce qui est fait. Les portes sont murées, il n'y a pas de porte ni d'ouverture, sauf une petite fenêtre, on lui donne un petit peu de quoi manger. Par une corde, il est censé tirer à la corde pour monter sa nourriture. Et du coup, le Meleagan qui se frotte les mains dit « Maintenant, je vais pouvoir aller le défier à la cour du roi Arthur et personne ne va pouvoir m'empêcher d'avoir cogné ce coup-ci après un an. » Parce que Lancelot doit venir, une fois qu'il en est notifié, après un an. Donc théoriquement, Meleagan arrive à la cour et Lancelot... Effectivement, ça compte comme notification le fait de le dire à la cour, visiblement. Parce que... Et Meleagan, du coup, Lancelot a un an pour se présenter à la cour, mais il est enfermé. Donc le plan de Meleagan, c'est basiquement de garder Lancelot prisonnier. Mais donc, du coup, le twist, c'est que cette jeune fille à la mule fauve qui n'aimait pas le chevalier orgueilleux et qui a voulu que Lancelot décapite, et qui du coup doit un service à Lancelot parce qu'il a décapité le chevalier, décide d'aller le chercher. Pendant un an, elle va le chercher jusqu'à ce qu'elle le trouve dans la tour que son frère a fait construire, parce qu'elle est la sœur de Meleagan, évidemment. Et elle fait monter un pic à glace ou une hache, j'ai pas très bien compris, à Lancelot, qui utilise ça du coup pour sortir de sa tour. Du coup, Lancelot peut revenir juste à temps à la cour. Gauvin s'apprêtait à combattre Meleagan, il était en train de se faire équiper, et il voit Lancelot arriver, il pleure de joie, il l'embrasse, il est tellement heureux. Ils ne se connaissent pas terriblement bien, mais pourquoi pas. Il est très très content. Et du coup, Lancelot peut relever le défi de Meleagan. Meleagan est terriblement en colère et est terriblement fâché. C'est vraiment, encore une fois, un truc qui revient très très souvent, la colère de Meleagan. Et du coup, Lancelot, cette fois-ci, il n'y a pas de doute, il bat Meleagan très nettement, il lui coupe d'abord la main droite, il est fou de rage, mais il lui foule le nasal dans les dents, il brise ses dents. Donc le nasal, c'est la partie de l'armure qui couvre le nez, donc il lui brise la mâchoire, il lui coupe un bras, et ensuite il lui délace son aume et il le décapite. Donc il y a quand même un côté, disons... délibéré à la mise à mort de Meleagan, c'est vraiment il lui enlève une partie de son armure et il ouais, c'est ça, c'est pas un coup d'épée qui voilà, on n'a pas cette idée du combat qui est vraiment non, je ne frappe pas un homme à terre, je ne vais pas frapper un homme qui est désarmé ou comme ça. Non, là c'est une décapitation, c'est une exécution quoi. C'est une exécution. Et c'est un écho justement à la décapitation du chevalier traître et orgueilleux que la damoiselle à la mule fauve lui avait demandé avant qu'il passe le pont de l'épée. Et du coup, le roman se termine dans l'allégresse générale. On ne mentionne plus Guenièvre, hein, parce qu'évidemment, le roi est là, elle ne peut pas tellement faire quoi que ce soit. Et du coup, l'écrivain nous dit, le narrateur, ou la voix narrative nous dit, « Seigneur, si j'avante tant de disois, si j'en disais encore, ça c'est roi oltre la maltire, donc ce serait, j'aurais dépassé ma matière, mon sujet. » Il conclut, « Si faut lire roman sans travers, il nous dit, le roman est complètement terminé. Godefroy de Lény, Leclerc, a fini la charrette, mais qu'on ne vienne pas le blâmer s'il a continué l'œuvre à la suite de Chrétien. Il ne l'a fait qu'avec la corde, car ça il fait par le bon gré Chrétien qui le commença. Tant en a fait dès lors ansa où Lancelot fut en murette, tant qu'on l'y compte et duré. » Donc il a fini le récit à partir du moment où Lancelot est emmuré par Meleagan. Tant en a fait ni vial plus maître, ne moins pour le compte mal maître. Donc il ne peut pas ajouter quoi que ce soit, parce qu'autrement, ce serait défigurer le conte, en gros. Et du coup, si faute l'e-romance de Lancelot de la Charrette. Ici prend fin le roman de Lancelot de la Charrette. Alors, c'est une œuvre qui est fondatrice. Voilà, maintenant, Lancelot, c'est un personnage qui va juste être incontournable dans la légende arthurienne. Ça va être l'amant de Guenièvre. Et à partir de ces grands cycles, à partir du Lancelot Graal, de ces grands cycles arthuriens, on va voir vraiment un lien entre l'histoire d'amour de Lancelot et... la fin du royaume arthurien, en fait. C'est un peu cette espèce de fissure qui va faire s'effondrer la table ronde de plus en plus clairement, avant presque de remplacer disons, la trahison de Mordred. C'est-à-dire que c'est combiné avec la trahison de Mordred après. À partir du moment où Lancelot arrive dans la légende arthurienne, Mordred n'est plus l'homme qui va prendre la reine, c'est lui qui va semer la dissension en disant « Ah, Lancelot a couché avec la reine », ce qui est d'ailleurs en passant une excuse pour Mordred, évidemment, parce que lui il veut prendre le royaume et il va s'en servir comme prétexte, mais d'un côté il a un peu raison finalement, parce qu'effectivement c'est pas terriblement légal, et c'est ça qui va mener justement à la tentative d'exécution de Guenièvre, en fait, dans plusieurs, notamment le Mortel d'Arthur, mais à faire des romans de la table ronde justement en général. Personnellement, j'aime beaucoup le chevalier de la Charrette, ce Lancelot. J'aime beaucoup tout ce qui concerne le royaume de Gore, l'idée qu'on puisse pas en revenir, les ponts merveilleux, soit le pont de l'épée, soit le pont sous l'eau qui mène, tous les enchantements qui arrivent. Il y a une structure narrative qui est quand même beaucoup plus cohérente, qui est beaucoup plus travaillée que dans Eric Andy des Cligès, ça c'est assez clair. Hein. Il y a, on arrive un peu, disons c'est un roman courtois qui est finalement très abouti, bon c'est généralement les trois là qui viennent, Lancelot, Yvain et puis Perceval, dont on se rappelle comme emblématiques et qui vont avoir le plus d'impact. Mais comparé à Perceval qui n'est pas achevé du coup, et qui, ça se voit, donc la structure de Perceval a des problèmes et ça va mener aux continuations, Lancelot a l'avantage d'être à la fois achevé et d'être très condensé finalement. Ça se passe pendant certes un an, mais le narratif se passe dans cette partie principale qui se passe pendant à peu près 15 jours, enfin 10-15 jours, est très très cohérente, concentrée, cohérente, efficace. Il y a quand même des moments qui sont un peu incohérents, justement. Niveau cohérence chronologique, c'est pas forcément clair. Par exemple, quand il y a Lancelot qui affronte Mélag en combat, on dit que toutes les jeunes filles étrangères qui étaient nées au royaume du roi Arthur étaient venues pour assister au combat, et que trois jours durant, elles avaient jeûné et marché pieds nus en chemise de laine, afin que contre son adversaire, Dieu donna force et vigueur aux chevaliers qui s'apprêtaient à combattre pour les captifs. Chronologiquement, ça fait pas vraiment sens, non. Parce que ça peut pas faire trois jours que les gens sont au courant que Lancelot est arrivé. Oui, je pense que c'est plutôt des exagérations narratives, ça. Bah, en fait, ça fait trois jours qu'ils ont jeûné pour, voilà, chronologiquement, ça fait pas sens, mais voilà, on a des gens qui ont jeûné pour donner de la force à Lancelot. D'ailleurs, c'est une dimension assez importante. En fait, Lancelot, il a cette espèce de figure un peu, disons, messianique. C'est lui qui vient libérer les gens du royaume de Gore. Il est attendu pour pouvoir les sauver, et il y a clairement des espèces de prophéties qui l'attendent. Ben, ça tombe typiquement. Il y a la notion qu'il est mort et qu'il est revenu. Enfin, il y a cette notion d'occultation et de retour. Ouais. Après, il y a aussi une notion assez effectivement chargée, je pense, dans la structure assez claire entre le moment où ça se passe entre l'Ascension et Pentecôte, l'essentiel du récit. C'est une période assez symboliquement chargée, disons. Je pense que la plupart des mentions de fêtes chrétiennes, c'est surtout pour avoir un repère chronologique. Je sais pas, ça me semble comme assez intéressant que ça se passe vraiment entre ces deux fêtes. Je trouve que c'est toujours dur d'avoir une comparaison un à un entre la fête et le thème du récit. Donc non, ça marche plus ou moins bien. Ça évoque effectivement, mais c'est je pense une des fonctions aussi. Une des fonctions aussi, c'est de nous dire que ça se passe en été finalement. Enfin, ouais, printemps-été. Printemps-été. Il y a de ça. Après, parfois, il le fait sans dire ça. Hein. Ce fut autant qu'à Bleu Fleuris, au début de Perceval. Il n'y a pas besoin de dire c'est la Pentecôte. Par contre, je pense qu'effectivement, il y a aussi une notion de... Il veut vraiment que ce soit condensé. Et ça, le fait de le mettre entre deux fêtes dont les gens savent qu'elles vont être proches entre les deux, ça va être assez efficace pour ça. Quoi. Après, il y a aussi la dimension symbolique, effectivement, du parcours du héros sur un nombre déterminé de jours qui va... avoir des épreuves qui vont se passer. Le résumé de l'œuvre, l'argument de l'œuvre dans l'édition de Charles Mellat que j'ai utilisé fait clairement les différents jours, et ça donne un côté vraiment très structuré aussi qui n'est peut-être pas évident quand on le lit. Je pense pas que ce soit spécialement l'intention de Chrétien, mais je pense que ça ajoute bien au rythme effectivement assez rapide. C'est pas des durées indéterminées, c'est vraiment une nuit quoi, c'est vraiment continu. Est-ce qu'on l'avait dit, la raison du froid de Guenière, finalement, pour... Oui, c'est la charrette, justement. C'est qu'il a hésité avant de monter dans la charrette. Oui, effectivement. Alors, juste une chose qu'il faut préciser aussi, je ne sais pas si on l'a bien rendu clair, Guenièvre est en froid avec Lancelot, pas parce qu'il est monté dans la charrette, au contraire, c'est quelque chose de bien. Il a supporté ce transport infamant par amour pour elle, mais parce qu'il a hésité deux pas avant de monter dans la charrette. Donc elle dit, ah non, moi, c'est la charrette Orion. C'est la charrette Orion. Pendant ce temps, Arthur, lui, reste au pays en pénard. Arthur est toujours très mélancolique, assez phlegmatique. Genre, Bléagan vient lui dire, je détiens tes sujets, puis Arthur est là, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire, hein? Si seulement je pouvais faire quelque chose. Et sans, disons, la bravade de queue, l'histoire démarrerait pas non plus. C'est queue qui remplit ce rôle déclencheur et finalement qui explique comment la reine s'est fait kidnapper. Parce que c'est vrai que dans l'histoire antérieure qui était dans cette vie de Saint-Gildas, on comprenait pas forcément comment Arthur s'était fait déposséder de Guenièvre et comment est-ce qu'il devait se reposer sur Gildas pour résoudre le conflit. Là, on comprend, en fait, c'est parce que Queux est un idiot et puis... comme d'habitude, en fait. Il remplit, en fait, cette fonction pour rendre le récit cohérent. Et donc, quand l'histoire... Probablement aussi que chez Chrétien, il y a une volonté de rendre cette histoire qui connaissait peut-être sous une forme un peu très résumée, de la rendre un peu cohérente et de donner des raisons à des trucs. Donc il y a peut-être une surdétermination par moment où on se dit cet épisode sert pas à grand chose, mais il explique pourquoi. Oui. Et effectivement, il y a pas contrairement à Eric et Enid ou Cligès, qui sont vraiment des successions d'aventures qui ont pas forcément toutes des liens exactement avec le grand récit. Là, pour le coup, chaque aventure a une importance, que ce soit symbolique, bah, typiquement le père et le fils qui se décident de finalement pas affronter Lancelot, l'épisode de refuser, Le refus de couche, d'abord parce qu'il est monté dans la charrette pour bien montrer l'infamie de la charrette. Mm-hmm. Le simulacre de viol. Le simulacre de viol et le pour montrer bien l'honneur qu'il a et le fait qu'il refuse de coucher avec la jeune femme. Il y a pas beaucoup d'éléments superflus en fait dans l'histoire. On peut pas couper grand chose sans enlever un. Bah, le thème est très très disons thématiquement c'est très circonscrit en fait. C'est une œuvre en tout cas beaucoup plus achevée. On peut le dire, je pense, que les deux œuvres précédentes de Chrétien. Et c'est une expertise, disons peut-être une expérience qu'il a acquise en écrivant qu'on va retrouver dans son prochain roman qui va aussi beaucoup traiter d'amour en fait. Yvain ou le chevalier au lion, que je pense on va examiner maintenant. Voilà. Alors maintenant, Yvain ou le chevalier au lion, une œuvre qui fait référence du coup à Lancelot. L'histoire se passe à peu près en même temps, disons les deux histoires se complètent sur à peu près 3 ans. Elles s'entrecroisent un peu, il y a des périodes où on nous dit qu'il y a par exemple le moment où Méléagant défie tout le monde en duel, après il se passe un an, mais il se passe pas grand chose, c'est juste Lancelot qui est toujours fait prisonnier. Et ça se passe un peu pendant les trous de l'autre, ouais. Enfin, Yvain commence plus ou moins 2 ans avant et se termine... pendant l'intervalle d'emprisonnement de Lancelot, en fait. Et il y a aussi des passages où on nous dit, bon, là, il y a un an et puis quelques mois qui s'est passé, etc. Donc, l'histoire d'Yvain, c'est principalement celle d'un chevalier qui marie une dame, puis qui néglige son mariage et qui oublie de rentrer chez lui à la date qu'il avait dit. Elle le répudie. Ça déclenche une série d'aventures où il va secourir des gens, avec un thème assez... Il y a aussi de nouveau des thèmes assez marqués, et je pense que, disons... on peut certainement pas en faire un roman féministe, mais disons, la condition féminine est quand même un thème qui traverse tout Yvain, en fait. Une femme ne peut pas être chevalière, une femme ne peut pas administrer un domaine seule, une femme et des femmes qui sont déshéritées ou exploitées, c'est, disons, la plupart des figures qui vont être secourues par Yvain. Et en fait, je trouve intéressant parce que souvent, on a cette image de « Ah, oh, c'est une princesse dans une tour » et puis une espèce de vision un peu, disons, féerique. C'est un emprisonnement qui est un peu propre. Tandis que ce que Yvain rencontre, c'est des litiges qui sont finalement très, très clairs. Des cas où une femme est déshéritée par son aîné, une femme qui n'a pas de mari, donc qui ne peut pas administrer son domaine, et des gens essayent de la flouer. Des femmes qui sont exploitées dans une espèce de fabrique, où on voit des femmes qui sont exploitées à faire des 300 ouvrières. 300 ouvrières qui sont en train de tisser, apparemment sous la tutelle de démons. Finalement, c'est de la misère ouvrière que ce chevalier va les secourir. Donc il y a vraiment cette idée du chevalier qui va secourir des femmes en péril, mais disons c'est des périls qui sont très concrets, c'est pas une dame retenue par un dragon, c'est pas une dame dans une tour, il n'y a pas vraiment d'idée d'enchantement. Finalement, les périls qu'elles affrontent, c'est des choses qui découlent de la condition féminine. En fait, c'est un peu plus un roman social de tous, ouais, les romans de Chrétien, comparé aux deux premiers qui sont vraiment... le premier est vraiment une espèce d'aventure plutôt personnelle entre un héros et sa dame. Le deuxième est vraiment centré sur la notion de... c'est vraiment un roman épique d'aventure avec des royaumes et tout ça. Lancelot est très intimiste, se pose plutôt en espèce d'idéal de la condition entre un homme et une femme, mais c'est pas du tout quelque chose de large. Ouais. L'implication sociale sont pas très larges, c'est vraiment quelque chose qui restreint un public, enfin le public de la cour, quoi. Alors que là, on est vraiment dans un roman qui... concerne visiblement plus que un chevalier et sa dame. C'est vraiment des exemples différents de la façon dont la société traite les femmes à l'époque en fait de Chrétien. Il y a une velléité peut-être un peu plus sociale, bon, effectivement. Il y a quand même des éléments un peu, disons, bon, merveilleux. Il y a un géant, il y a une femme qui est kidnappée par un géant. Il y a la fontaine de Barenton et il y a les démons que Yvain affronte à la fin. Non, il faut dire aussi que c'est un roman qui est peut-être moins, contrairement à Lancelot, qui a vraiment pour le coup une aventure complète avec un antagoniste qui génère le problème et des aventures qui sont vraiment très intermédiaires et qui les quelques vagues antagonistes entre les fêtes sont pas vraiment très importants. Là, il n'y a pas d'antagoniste seul et on est vraiment dans un roman, presque un roman de mœurs en fait. Oui, c'est vraiment. Aussi, l'arc narratif d'Yvain est vraiment centré sur sa progression personnelle. C'est-à-dire que ce qui déclenche vraiment l'aventure, entre guillemets, c'est une faute qu'il a commise lui. Il n'y a pas quelqu'un qui lui a fait du tort. Il a fait une erreur et il doit la rectifier. Et il se lance dans une aventure qui va peut-être lui permettre de devenir meilleur comme ça. Il n'a pas vraiment de rivalité qui traverse le roman, disons. Et ce qui est aussi intéressant de Yvain, on va le voir, c'est un des rares. J'ai une amie d'ailleurs qui écrit sa thèse sur Yvain, parce qu'elle s'intéresse justement aux relations d'amitié entre personnes de sexe différent et personnes du même sexe. Et Yvain représente une des figures d'amitié, entre guillemets, entre une figure de chevalier homme et une figure de dame qui n'est pas sa dame. Oui. La figure de Lunette, qui est un peu la servante à la Molière, à la Shakespeare, la servante maligne. De Molière, de Shakespeare, de Beaumarchais, elle évoque vraiment cette espèce... Ce Figaro, ce Scagnarelle. C'est un peu la figure un peu d'entremetteuse, parce qu'on peut penser à Branwen dans Tristan, mais elle a un rôle beaucoup plus important dans l'aventure. Elle est vraiment une servante dévouée, et elle a presque une relation justement d'amitié avec Yvain, plus que de relation de chevalier de sa dame. Donc c'est assez intéressant comme figure, et je pense que ça illustre bien le niveau beaucoup plus centré sur le social du roman, en fait. Mais c'est vrai que Yvain va pas avoir une postérité forcément énorme, c'est-à-dire qu'à part dans certains trucs comme Larys et Clarisse ou certaines adaptations, il y a une adaptation bourguignonne, je crois, à Ewain. Il y a Ewain et Gawain en anglais. Il y a Ewain et Gawain. Mais en général, il a pas un grand rôle, mais c'est un roman qui a des éléments qui sont quand même assez fascinants. Il y a ce personnage de servante assez astucieuse, certains éléments du roman, notamment le fait qu'il sauve des ouvrières. Il y a plusieurs personnes qui ont relevé que c'était quand même quelque chose de pas forcément courant, en fait, comme souci. Même si on avait déjà un peu de ça dans Erek, où on voyait que la famille de Enid était contrainte à travailler, avait une espèce d'atelier dans leur maison. Donc c'est là, c'est plus quelque chose comme... C'est des nobles qui ont été des nobles mis en dehors de leurs conditions. Alors que là, il n'y a pas d'implication particulière, que ces 300 jeunes femmes sont des nobles... sont toutes nobles, il me semble, en tout cas... Il y a vraiment juste la sensation qu'elles sont exploitées, quoi. Donc on va peut-être vous récapituler un peu l'histoire, qui est finalement assez simple. Elle commence de nouveau lors d'une fête chrétienne, c'est un banquet à la Pentecôte. Et là on est à Cardway. Lancelot ne précisait pas où se passait l'aventure. Hein. Justement, Lancelot est encore moins ancré dans la territorialité par rapport à quelque chose comme, on l'a vu, Cligès, qui est vraiment très géographique. Là on est un peu plus, il y a une mention d'un lieu quand même. Et il y a un grand repas à Cardwell au Pays de Galles. Après le repas, en fait, Arthur est un peu fatigué, alors il décide d'aller dormir, et puis il y a des gens qui murmurent, en fait. Il y a un élément quand même très... on a déjà dit qu'Arthur était peut-être un peu flegmatique ou comme ça, mélancolique chez Chrétien. Bah là, de nouveau, ça fait murmurer. Les gens se disent, c'est quand même pas normal qu'Arthur aille dormir alors que c'est une grande fête et tout, il se barre. La reine va lui tenir compagnie, et en fait, devant la porte de la chambre, il y a des chevaliers qui attendent que probablement le roi sorte. Et les gens se racontent des histoires pour passer un peu le temps. Calogrenant dit, bah vous savez, il y a quelques temps... C'est 7 ans, non ? 7 ans avant, il y a un truc qui m'est arrivé qui était quand même assez intéressant. Il nous parle d'une fontaine. Il allait seul, sans escorte, en quête d'aventure, équipé de tout son équipement. Il trouve un chemin qui traverse une épaisse forêt. C'était une route très mauvaise, etc. La forêt de Brocéliande. Donc Calogrenant raconte qu'il y a 7 ans, il était en quête d'aventure. Il est logé chez quelqu'un. Et le lendemain, il part, il voit une créature assez monstrueuse, avec des oreilles immenses, un monstre. Il nous décrit en long en large cette espèce de vilain, une espèce de géant hirsute qui garde des bêtes, avec une énorme massue apparemment, et qui domine apparemment un troupeau de taureaux sauvages, mais qui apparemment est un être humain, comme lui. Il lui dit « Je suis un homme comme toi ». Et il lui dit « Si tu veux aller en quête d'aventure, il y a une fontaine là-bas dans la forêt. Et si tu prends... Il y a un petit récipient qui est accroché. Et si tu prends de l'eau dans la fontaine et que tu la verses sur le perron de la fontaine juste devant, eh ben tu vas déclencher un orage. Et apparemment, plus tu verses d'eau, et plus tu déclenches d'orage. » Alors, bon, je veux pas faire le fraiserien, mais bon, on a clairement un exemple de magie... De magie sympathique, si on veut, où on verse de l'eau sur quelque chose et ça déclenche un orage. Cette fontaine, c'est pas Chrétien qui l'a inventée, apparemment elle existait vraiment. Il y avait vraiment une fontaine de Brabanton qui était mentionnée par Wass dans le roman de Roux. Il la mentionne quand il parle de la Bretagne, en fait. Il parle de la fontaine de Brabanton, sort d'une passe, l'aide le perron, à l'air isolant de Venouer, à Brabanton par grande chaleur. Et à l'école se lève puisesse et le perron dessus mouillé pour ce soit l'un de pluie à venir. Donc en gros, quand il fait très chaud, ils vont à Barenton, ils prennent de l'eau et ils la versent sur le perron pour faire déclencher la pluie. Et il en parle, il dit qu'elle est dans la forêt de Brocéliande, donc Brocéliande, où les Bretons vont souvent en disant racontent des tas d'histoires. Ouais, c'est très sceptique, hein, on l'a vu, pas oui. Pour les Bretons. Ils parlent de la fin de la Merveille, mais ils disent Mais moi, se dit qu'il a essayé d'aller voir la fontaine et il dit folle revins, folle quiz, Paul folle me tince. Donc en fait, il a rien trouvé. Il s'est tenu pour fou quoi. Il est. Ouais. Il y a pas grand chose en fait en vrai à l'époque de Wass, en tout mais cas. Quand on regarde Wass, on a l'impression que c'est une espèce de rite un peu de magie sympathique pour déclencher de la pluie, mais a priori bénéfiquement, c'est-à-dire on manque de pluie, on va le faire, tandis que là chez Chrétien, vous versez un peu d'eau et puis il y a le plus grand orage du monde qui arrive et qui détruit la forêt. En fait, c'est un gros problème du château qui est juste à côté, c'est qu'il suffit de venir verser de l'eau ici et puis il y a un orage énorme qui détruit, qui fait tomber les arbres, qui détruit les fondations. Donc à plusieurs moments, la dame du château justement va se lamenter et dire qui est l'idiot qui a construit un château ici, parce que n'importe quel homme peut le menacer en déclenchant des orages. Calogren en fait ça, et justement, il y a un chevalier qui sort de ce château pour le combattre, Escados le Roux, et qui le bat, et qui s'empare de son cheval et qui part. Alors, il est déconfit, il est par terre, il a été vaincu par ce chevalier, il enlève son équipement pour pouvoir voyager un peu mieux, parce que c'est quand même lourd, il revient à pied chez son hôte précédent, et finalement, il rentre et dit « J'en ai jamais parlé parce que j'étais très honteux. » Les gens racontent ça, et Yvain dit « Calogrenant, vous êtes mon cousin germain, il faut que je lave votre honneur, il faut que j'aille venger la honte qui vous a été faite. » Et puis il y a Queux qui dit « Ah bah c'est facile, viens, on a bien mangé, on est bien installé. » Il dit « L'on dit que chat gavé s'égaye, après manger, sans bouger, chacun va tuer Noureddin. » Donc Noureddin, le sultan ennemi de la chrétienté, puis dit « Bah c'est facile, après le repas, tout le monde se vante et tout le monde croit qu'il serait capable d'aller tuer des méchants. » J'adore la spécificité quand même de cette... Bah, c'est une expression qui apparemment était assez... C'était l'ennemi numéro un de la chrétienté, si on veut. À ce moment-là, il était mort. Donc, Parce que mon édition mentionne Saladin, en fait. J'ai une note de bas de page ici qui explique que dans certains manuscrits, il parle du sultan Noureddin et dans d'autres de Saladin qui a succédé à Noureddin en fait. Ça semble être assez traditionnel. Ils disent ah non, mais ça, personne va comprendre maintenant, c'est plus Noureddin, c'est ça. Il y a des gens qui ont disputé la datation du manuscrit à cause de ça, mais probablement qu'en fait c'est un caractère de proverbe et puis que c'était pas. Disons, le rôle de grand méchant de Noureddin a probablement excédé sa durée de vie, quoi. Oui, mais c'est aussi possible que Saladin, qui est devenu beaucoup plus célèbre, à cause des vies de Richard Coeur de Lion, mm-hmm. Qui ont circulé, que à partir d'un certain moment, Noureddin, personne s'en souvient, mais Saladin, les gens connaissent, donc on met à jour un peu. Même si c'est pas forcément du vivant de chacun, hein, mm-hmm. Qu'on soit clair là-dessus. Et donc, en entendant ça, le roi Arthur sort de sa chambre et il dit « Oh ben, il fit 3 serments solennels sur l'âme de son père Uther Pendragon, sur celle de son fils et sur celle de sa mère. » Donc, Arthur a de nouveau un fils qui sert toujours à rien, mais il a toujours un fils. « Qu'avant qu'une quinzaine soit passée, il irait voir la fontaine ainsi que la tempête et la merveille, de sorte qu'il y arriverait la veille de la fête de Monseigneur Saint-Jean-Baptiste. » Donc, la veille du 24 juin. Donc, on est bien ancré dans la temporalité. C'est la Pentecôte, c'est de la fin du printemps, le début de l'été. Et il y irait. C'est ça qui donne un indice d'ailleurs pour la date de composition autour de 1777 de Lancelot et Yvain, parce qu'il y a 2 années seulement où la Saint-Jean-Baptiste et la Pentecôte coïncident de cette façon-là, et ça serait... Après, c'est un indice qu'on peut disputer, mais... 66 c'est... ou 77. Mais ça, 77 est assez probable quand même. C'est assez, disons, il y a un faisceau d'indices qui focalise... Oui, on n'est pas sûr. Hein. Mais Yvain, il dit ça, il entend ça, mais il se dit « Moi, je vais y aller avant. » Il se dit « Je vais aller avant, tout seul. Je vais faire ça, je vais verser le bassin. » Donc Yvain reproduit exactement l'aventure de Calogrenant. Il va loger chez le même type qui a une fille jolie et très jolie et très intelligente. Le lendemain, il voit les taureaux et le paysan monstrueux. Il se signe en permanence quand il voit ça parce qu'il n'arrive pas à croire à sa laideur et à croire que ce soit une créature de Dieu, si on veut. Finalement, il verse l'eau sur le perron et il déclenche un orage. Il se met à vanter, à pleuvoir, et il fit le mauvais temps qu'il faisait habituellement. Et quand il ramène le beau temps, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire pour l'aventure de Calogrenant, en fait, il voit un arbre avec des oiseaux qui chantent, une espèce de chanson merveilleuse sur cet arbre-là. Et avant que le concert des oiseaux soit terminé, bah, il y a le chevalier qui arrive complètement furieux, et ils se battent. Leur combat, c'est un combat très, très chrétien de Troie, donc ils se cabossent, ils pètent leur aume, ils pètent leur bouclier... Et il lui fend la tête jusqu'au cerveau. Il a une si grande douleur qu'il manque de s'évanouir et il s'enfuit. Et donc il fonce vers le château et le pont-levis va s'abaisser. Yvain lui court juste derrière et la herse du château tombe derrière lui et elle coupe le cheval d'Yvain en deux. Donc il y a vraiment le cheval, il est coupé en deux par la herse. Et Escalos le Roux arrive à rentrer au château. Mais en fait, il va mourir. Donc ils sont les deux dans le château, le chevalier s'échappe par une porte dérobée, et Yvain est un peu perdu, il est enfermé dans une salle, il parvient à passer par dans une petite chambre, et il voit une jeune dame qui est très charmante, une demoiselle très charmante et très belle, toute seule très charmante et très belle, qui s'alarme d'abord, et qui lui dit « Chevalier, je crains que mal soyez venu, vous êtes donc venu de façon assez mauvaise, si vous êtes chien venu, vous y serez tous dépêchés, que messire est à mort pleyes, et ben c'est que vous l'avez morte. Donc, monseigneur est blessé à mort, et c'est vous qui l'avez tué. » Ouais. Mais malgré ça, elle lui donne, apparemment elle prend son parti, elle lui donne un anneau qui lui permet basiquement d'être invisible. Elle lui dit que ça le rend comme l'écorce placée sur le bois, ça le recouvre et personne ne le voit. Parce qu'elle lui a dit, qu'elle l'a rencontré une fois à la cour du roi Arthur, où elle avait été envoyée comme messagère, et qu'il avait été honorable avec elle et qu'il l'avait servie et honorée, et que du coup elle le reconnaît et elle sait qu'il est le fils du roi Urien et qu'il s'appelle Monseigneur Yvain. C'est pour ça qu'elle lui donne l'anneau. Donc une faveur passée, quand il sert la pierre de quand il retourne l'anneau et qu'il serre la pierre dans sa main, il peut devenir invisible. Et du coup, les gens du château le cherchent, ils renversent les meubles, ils tapent partout avec des bâtons, ils cherchent le meurtrier parce qu'ils ont vu que le cheval était coupé en deux et donc ils savent que le meurtrier de leur seigneur est dans ses murs. Yvain est donc invisible grâce à cet anneau et il parvient à y échapper. Il voit la procession d'ailleurs avec le cercueil de il voit la procession mortuaire et en fait ça redouble leur recherche parce que le sang coule des plaies du mort. Et donc ça c'est une croyance médiévale, ou disons un motif médiéval assez fréquent, que quand le meurtrier est en présence du cadavre ou quelqu'un du lignage du meurtrier, enfin quand il y a une connexion au meurtrier, le cadavre réagit d'une certaine manière, révèle sa culpabilité. Par exemple, il se met à saigner. C'est ce qu'on appelle la cruantation. Et du coup, les gens commencent à se dire ça veut dire qu'il doit être pas loin, on doit être en train de brûler. Et Yvain du coup voit toute cette procession funéraire, les prières, etc. Et il voit la dame. Une des plus belles dames qu'ait jamais vu une créature terrestre, d'une aussi belle chrétienne, jamais on avait entendu parler. Donc ça veut dire peut-être des païennes, il y en avait des très belles, mais une aussi belle chrétienne, forcément. Mais elle manifestait son chagrin avec une telle fureur que peu s'en fallait qu'elle ne se tuât. Donc elle est très triste parce que Esclavdos a été tué par les blessures infligées par Yvain. Il y a l'amour qui attaque Yvain, donc Chrétien nous refait un de ses paragraphes où il nous dit que Amour l'attaque en frappant au cœur par les yeux, ce qui ressemble beaucoup à certains de ses précédents romans. Oui, donc l'implication c'est que l'amour en fait le fait pour punir Yvain en fait. Mm-hmm. Pour le punir d'avoir tué Esclavdos, il lui dit justement que Amour l'attaque comme punition et le condamne. Elle en a tiré une vengeance plus sûre que ce qu'elle n'aurait pu le faire elle-même. Si Amour ne s'en était pas chargé, il l'attaque si doucement qu'il le frappe dans le cœur en passant par les yeux et justement en le faisant tomber amoureux d'une dame avec qui normalement il ne pourrait pas être parce qu'il a tué son mari. Un long passage, justement, il questionne est-ce que je peux être amoureux d'elle ? Est-ce que je peux être amoureux ? Je viens de tuer son mari. Est-ce que j'ai la prétention de faire la paix avec elle ? C'est grotesque, elle me déteste à cette heure. Et il dit j'ai dit sagement à cette heure car une femme a plus de 1000 résolutions. Donc ça, c'est un passage qui, je crois, vient. Ça fait écho à un passage de L'Art d'aimer d'Ovide, je crois. Un passage un peu peut-être, les femmes, vous savez, c'est des girouettes. Mais. Lunette revient, et en fait, elle va convaincre sa dame que finalement, vous savez, il faut que vous vous trouviez un mari, parce que vous pouvez pas rester seule maîtresse de ce domaine, vous pouvez pas... Voilà, qui défendra votre terre quand le roi Arthur va venir? Parce qu'apparemment, on sait que le roi Arthur va venir à La Fontaine. Vous en avez été... La demoiselle sauvage lui a envoyé une lettre. La demoiselle sauvage lui a envoyé une lettre. Donc en fait, il y a un réseau de demoiselles qui... dans tout le... un complot de demoiselles. Qui, dans tout le royaume, qui sait par où il passe. Et apparemment, elle dit, le roi Arthur va venir ici, il va faire qu'une bouchée de nous, personne va vouloir vous défendre dans tous vos suivants. Puis là, Yvain nous dit, la dame a parfaitement conscience que sa suivante la conseille loyalement, mais elle attend d'un défaut qu'ont les autres femmes toutes à peu près, elles agissent ainsi, elle refuse d'admettre leur folie. Et puis la suivante lui dit, madame, on voit bien que vous êtes une femme pour vous fâcher en entendant quelqu'un qui vous conseille d'agir raisonnablement. On dit bien que la lunette est rusée comme une bretonne, d'ailleurs. L'argument qu'elle utilise pour la gagner, c'est qu'elle lui dit que, deux chevaliers se sont affrontés en combat singulier. Lequel est le plus vaillant? C'est celui qui a gagné. Donc vous devriez prendre celui qui a gagné. Donc vous devriez... Qui est de mieux pour remplacer celui qui a tué votre mari? Vous devriez prendre Yvain. Bon, finalement, elle se laisse convaincre. Elle lui dit d'abord quand même... voici le discours plus délirant. Va-t'en, garce folle et ennuyeuse. Non, alors elle proteste un peu, mais finalement, elle se rend à ses arguments. Puis elle se dit, il faut bien qu'il y ait un seigneur ici. Chrétien mentionne d'ailleurs, c'est une réconciliation bien rapide. Enfin, il mentionne d'ailleurs qu'il se réconcilie finalement bien rapidement et que apparemment elle aime aussi Yvain, donc ça tombe bien. Il y a des gens qui interprètent ça de manière un peu, donc la très mauvaise édition de Claude-Alain Chevalier, justement, il dit c'est une preuve que c'est un rituel celtique de souveraineté, et en fait la dame c'est pas une vraie dame, c'est en fait la souveraineté, et du coup la souveraineté passe de Esclavdos à Yvain, puis c'est une espèce de rituel machin, enfin l'interprétation ritualiste mange tout, qui peut toujours tout expliquer. Le problème c'est que en fait épouser la personne qui avait tué votre mari, c'est pas quelque chose de si étrange que ça à l'époque où le roman a été écrit, en fait. À la fin du XIIe siècle, et même plus tard, on a beaucoup d'exemples de dames qui ont épousé des gens qui étaient d'anciens ennemis ou qui ont même commandité le meurtre de leurs anciens maris ou des choses comme ça. En l'occurrence, en plus, l'argument final, en fait, qui la convainc quand elle lui demande « Tu as tué mon mari ? Pourquoi tu as tué mon mari ?» Et tu l'as fait par haine, parce que tu m'en voulais, par mépris. En fait, elle lui dit « Bah, en fait, je l'ai tué parce qu'il m'a attaqué. » Et du coup, elle dit Fair enough. Enfin, effectivement, il lui dit, ouais, effectivement, il t'aurait tué s'il avait pu, parce que bah c'est son rôle, quoi, de défendre la fontaine. Et le fait qu'il ait probablement causé des terribles dommages économiques au château ne vient pas en ligne de compte. Donc, elle s'enflamme d'elle-même, du coup. Elle s'est prouvée à elle-même qu'elle n'a pas le droit de le haïr, car elle y trouve parfait bon sens et raison. Elle dit donc ce qu'elle voudrait, elle s'enflamme d'elle-même comme la bûche qui fume jusqu'au moment où la flamme s'est mise sans que personne ne souffle sur elle ni la tise. Donc ça, c'est intéressant, parce que même si effectivement c'est un raisonnement assez sexiste, finalement, les femmes, elles sont un peu folles, le raisonnement final est que finalement, elle a pas du tout été le récit nous dit bien, elle a été persuadée par elle-même. Il y a personne qui lui a fait pression. Elle a trouvé le raisonnement si, en fait, elle est, c'est un peu l'idéal platonique des fact-checkers, tu sais, sur Internet. Les décodeurs ont prouvé que ceci était faux. Donc maintenant, tout le monde va comprendre que c'est faux et tout le monde va admettre la raison résonnante. La zététique a vaincu et a fini par convaincre la dame du château. Et donc, elle fait accepter Yvan à ses gens. Il y a son sénéchal qui fait un petit discours qui dit il y a une guerre qui nous menace, il ne se passe pas de jour que le roi ne se prépare avec toute la hâte dont il est capable à venir ravager nos terres. Ce que j'aime bien, c'est que ça applique aussi à une espèce de conception géopolitique du roi Arthur, où le roi Arthur, lui, pour lui, c'est on va faire une aventure, ça va être fun. Mais au final, tout le monde sait le roi arrive, dommage, nous allons tous mourir, plus ou moins. Et il dit, avant que la caserne soit écoulée, tout aura été ravagé s'il n'y a pas un bon défenseur. Quand madame s'est mariée, il n'y a pas encore tout à fait 7 ans, elle l'a fait sur vos conseils. Son mari est mort, elle en est affligée. Il n'a à présent qu'une toise de terre, lui qui possédait tout ce pays et qui le convenait si bien. J'aime bien l'euphémisme quand même pour dire qu'il est enterré. C'est bien dommage qu'il ait si peu vécu. Puis là, il dit justement, une femme n'est pas capable de porter un écu, elle n'est pas capable non plus de frapper avec une lance. Donc, le fait que la dame ne peut pas tenir son domaine elle-même et qu'elle doive épouser Yvain, on peut interpréter ça comme un rituel de celtique, de souveraineté, qui sait s'il y a ça derrière, peut-être. Le fait est que l'explication et la logique de tout ce qui se passe est parfaitement cohérente avec la logique médiévale, en fait. C'est quelque chose... Oui, ça fait sens dans le... On peut pas laisser un domaine, on peut pas laisser un domaine en quenouille, comme on appelle, on peut pas laisser un domaine administré par une femme qui n'a pas d'héritier ou de proche parent mâle qui puisse exercer cette autorité par procuration. En tout cas, dans le royaume de France. Il faut qu'elle se marie. Ils sont mariés, et après, Arthur et ses chevaliers arrivent, et que, bien sûr, bon, vous commencez peut-être à connaître le personnage de Queux, donc finalement, Queux est un peu orgueilleux. Il voit pas Yvain, il dit, ah bah voilà, Yvain, il a bien parlé avant, il disait qu'il viendrait faire des aventures avec nous, mais je ne le vois nulle part, il est pas ici, donc on va voir ce que... Puis du coup, il déclenche l'aventure et il se fait battre proprement par Yvain. Mais qui êtes-vous, dit le roi, je ne vous reconnais pas de longtemps et je ne vous entendais pas vous nommer si je ne vous voyais pas sans votre armure. Et là, Yvain révèle qu'il est lui, puis Arqueux est abasourdi parce qu'il s'est bien fait avoir. Oh, qui eût pu penser que les paroles de Queux lui reviendraient dans la figure. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que c'est finalement un des rares grands mouvements d'Arthur depuis Rick et Enid, plus ou moins. Non, ouais, c'est pas vrai, il est allé... Il a fait du chemin avec dans Cligès aussi, mais c'est un des moments où Arthur va quand même le plus bouger dans tous les romans de la table ronde. Hein. Et encore, c'est juste pour croiser la mer et aller à Barenton, mais. Et du coup, ben, il propose à toute la cour de venir à son château parce que maintenant il en est le seigneur. Et du coup, de les inviter là, il y a peut-être aussi un certain déséquilibre en fait où Yvain est peut-être un peu orgueilleux finalement. Oui, ça a commencé par un déséquilibre à la cour du roi Arthur où Arthur était allé dormir pendant le repas. Et là, on a une deuxième phase où Yvain, apparemment, disons, il est devenu le seigneur d'un petit patelin et il accueille toute la cour en tant que hôte. Et peut-être qu'il y a un déséquilibre, en fait. Peut-être que, justement, Arthur n'arrive pas vraiment à assumer sa fonction de faire ses grands festins. Yvain le fait à la place, et puis c'est là que l'histoire va basculer. Probablement qu'il y a aussi cette dimension-là. Alors, l'histoire bascule parce que Gauvin est avec Arthur. Et c'est là qu'on commence à avoir un peu la notion que Gauvin n'est pas une si bonne influence que ça. Parce que jusque-là, Gauvin était quand même le chevalier héroïque, partout, toujours le meilleur. Hein. Bah, il nous parle d'ailleurs d'un flirt entre la lune et le soleil, c'est-à-dire entre Lunette et Gauvin. Oui, parce c'est mon OTP. hyper arthurien d'ailleurs. Parce que, Gauvin était le seigneur des chevaliers et que plus que tous les autres était renommé, a bien droit d'être appelé le soleil, car la chevalerie est illuminée par lui de la même manière exactement que le soleil au matin déverse ses rayons. Gauvin a toujours eu un caractère solaire, mais qui est finalement une construction littéraire, où il y a cette idée, surtout plus tard, que sa force varie avec le cours du jour en fait. Et donc il parle, d'autre part, sous la figure de la lune, j'entends celle dont il n'est qu'une au monde, incomparable dans sa fidélité et dans son dévouement. Seulement Paul c'est bon le nom, mais pour que lunette haute nom, la demoiselle haute nom lunette. Il ne dit pas ça uniquement à cause de cette excellente réputation, mais aussi parce qu'elle s'appelait Lunette. La demoiselle s'appelait Lunette et c'était une aimable brunette. Et fut une avenante brunette. La rime. La première personne qui a des cheveux bruns dans tout le royaume arthurien. Avant, on n'avait que des blonds cheveux bruns. Des blonds cheveux bleus. Très sage, très noble et très habile. Elle, mais aussi, c'est un indicateur qu'elle ne va pas finir avec Ivan. Ouais. Parce qu'elle est blonde, elle est brune, justement. Très sage, très noble et très habile. Elle fait connaissance avec Monseigneur Gauvin, qui l'estime et l'aime beaucoup. Et il l'appelle son ami pour la raison suivante. Elle avait sauvé de la mort son compagnon et ami. Donc ce Yvain par rapport à Gauvin, il lui offre donc de se... c'est la première notion qu'on a que Gauvin et Yvain ont un lien particulier, hein, qu'il n'a pas forcément avec Lancelot, pas forcément avec les autres chevaliers. Quant à elle, elle lui raconte et décrit en détail au prix de quels efforts elle gagnait sa lame à sa cause, si bien qu'elle prit Monseigneur Yvain pour mari et comment elle le sortit des mains de ceux qui le cherchaient. Monseigneur Gauvin est très amusé et dit Madame, je vous donne en cas de besoin ou non le chevalier que je suis, ne m'échangez jamais contre un autre à moins que vous croyez améliorer votre situation. Je suis vôtre et vous soyez dorénavant mademoiselle. Grand merci, Seigneur. Et c'est là qu'on. C'est le seul truc qu'on nous. Je crois que c'est à peu près l'étendue du truc, mais c'est vraiment. Wink wink. Ouais. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Mais c'est mon OTP arthurien pour la simple raison qu'ils sont vraiment tous les deux les plus un peu. Les espèces d'intello malin sarcastique de la cour arthurienne. Mmh. Je les adore, les deux. Ils sont c'est terriblement beau. C'est pas très développé, hein. On le voit là, mais c'est assez joliment amené, disons, comme manière de lier les choses. Parce que Gauvin a beau avoir des sœurs, des nièces, des tantes, des... Non, Gauvin est pas souvent... Enfin, il a quelques liens avec des personnages féminins, mais celui qui me vient à l'esprit, c'est la dame de Lady Bertilac dans Gauvin et le Chevalier Vert. Mais du coup, Gauvin, c'est assez intéressant qu'il soit pour le coup explicitement lié à cette demoiselle, même si c'est vraiment quelque chose d'assez bref. Donc Lunette est un personnage qui est quand même assez important, hein, dans le récit après, on va voir. C'est pas simplement... Et c'est là que l'histoire commence véritablement. Donc ça, c'est un peu le début heureux où Yvain est devenu un seigneur, il s'est marié. Et ce qui normalement aurait dû être un peu à la fin de l'histoire pour que tout se passe bien. Bah là, en fait, c'est là que il y a Gauvin qui lui dit bah, venez, on va faire des tournois, on va faire des trucs chevaleresques. Et puis Yvain demande la permission de pouvoir quitter le domaine parce qu'il a quand même marié cette dame pour le défendre. Donc s'il s'en va, il va pas vraiment pouvoir faire ça. Et elle lui donne la permission à condition qu'il revienne un an après, donc 8 jours après la Saint-Jean. Et Yvain, bien sûr, dépasse ce terme. C'est-à-dire qu'il se passe un an et puis plus de 3 mois. Donc c'est en août quand il y a une servante qui vient chercher Yvain et qui dit que Yvain, le déloyal, le traître, le menteur, le fourbe, il l'a abusé et abandonné. Elle a percé à jour sa fourberie. Elle lui demande de rendre l'anneau qui était un peu ce symbole de confiance et de plus revenir. Elle le répudie. Yvain devient, ne peut répondre car le sens et la parole lui font défaut. La demoiselle s'approche, elle lui enlève l'anneau du doigt. Elle recommande à Dieu le roi et tous les autres, à l'exception de notre héros qui est laissé dans son désespoir. Et Yvain devient fou. Donc on a un épisode de folie où il devient une espèce d'homme sauvage pendant un temps. Il vit comme un sauvage, il mange des bêtes qu'il tue et qu'il trouve dans les bois. Il les mange crues et il les donne d'ailleurs à un saint, un ermite qui vit dans la forêt et qui mange du pain et de l'eau. Il lui donne la viande des bêtes et en échange le saint lui donne du pain, un pain un peu moisi et sec comme une écorce. Mais il adore ce pain car... dit Chrétien, la faim est la meilleure des sauces. Une phrase que j'aime beaucoup de ce roman, la faim est la meilleure des sauces. Et jusqu'à ce qu'il y ait des dames qui le trouvent, qui disent « Ah tiens, c'est Yvain », et qu'elles utilisent un onguent de la fée Morgane, de nouveau, pour le soigner, le guérir de sa folie. J'aime beaucoup la fabrique de médicaments, là. Ouais, Roche et Boiron n'ont rien à envier à Morgane dans... Big Pharma de... Big Pharma. La Big Pharma arthurienne, effectivement. Du coup, elle soigne avec cet onguent Yvain qui va du coup, qui va sortir de sa folie en fait. Elle lui frotte les tempes, le visage, tout le corps jusqu'à l'orteil et dément ses mélancolies. Rage et la mélancolie, mais du corps soin de fils que du chervel lent ici hors le rage et la mélancolie, mais du corps moindre fils de folie qui ne lisait soin du mestier. parce que bah il y avait pas besoin d'en fait rendre le corps. Le massage sensuel impliqué n'était pas nécessaire parce que elle l'aurait fait de toute façon s'il y avait eu 5 septiers d'argent. Donc en fait elle va s'enfuir parce qu'elle a pas envie qu'il se réveille et qu'il la voit en train de le masser visiblement. Et du coup il voit les vêtements, il s'habille parce qu'il lui avait laissé des vêtements neufs. Il s'habille, il se rend compte qu'il est nu, ce qui est l'indice qu'il est revenu à la raison. Hein. D'ailleurs, c'est le péché originel. Non, il revient à lui, puis c'est véritablement le début de l'aventure. Donc, ça fait très début de jeu vidéo. Tu sais, tu te réveilles, tu ne sais pas où tu es. Tu as perdu tout ton équipement. Et le tutoriel, c'est le moment où il se bat contre le chevalier Scarthalos, l'évasion avec l'anneau, et puis hop, tu perds tout. Et donc, Yvain est vraiment passé de, disons, il est tombé en grâce, si on veut. Il a perdu tout ce qu'il avait gagné dans cette aventure et il part, disons, de zéro. Là, il va rencontrer ce qui donne le nom au roman, le Chevalier au Lion. Il va rencontrer ce lion qui se bat, un lion qui se bat contre une espèce de serpent qui crache des flammes et qui lui est lié apparemment par la queue. Et du coup, il le sauve en tranchant la queue du lion et en tuant ce serpent. Et le lion, après ça, va l'accompagner fidèlement pour le reste de son aventure. C'est-à-dire, entre-temps, il a quand même aidé la demoiselle qui l'a soigné, la dame de Noraison, en se battant contre l'ennemi de cette dame, le comte allié, qui est donc encore une fois une figure de cette menace qu'ont les dames face à leur pour défendre leur domaine, en fait. Le premier exemple, enfin le deuxième exemple, après justement les arguments pour persuader la dame de Landuc de le marier, en fait. Mais du coup... Elle s'appelle Laudine, d'ailleurs. Je ne sais pas si on l'a précisé. Hein. La femme de Yvain s'appelle Laudine. Donc il y a lunettes, Laudine. Il ne faut pas confondre les deux. Et du coup, le lion le suit. Et en fait, ça va être un peu la gradation il va suivre sa progression aussi. C'est-à-dire que Yvain va faire plusieurs combats où le lion va être de moins en moins impliqué. C'est-à-dire que progressivement, les gens qui le combattent vont lui dire « Non, n'utilise pas ton lion, t'as pas le droit d'utiliser ton lion. » Et progressivement, il va être écarté. Et le dernier combat qui est un combat judiciaire contre Gauvin, le lion participe pas du tout, en fait. Donc on voit que le lion, il a un avantage un peu inéchappable parce qu'il est assez féroce et assez redoutable. Mais progressivement, Yvain va... Il y a une espèce de progression dans le combat où il va progressivement réussir à combattre sans lui. Il y a, je crois, trois aventures qui suivent. Bah d'abord, il va voir Lunette. Il va revoir Lunette. En fait, il trouve une dame qui est enfermée dans une chapelle. Et elle dit « Ah, on va me condamner à mort parce que j'ai donné des mauvais conseils à madame. » Et puis, un sénéchal m'a traîtreusement accusé. Et puis, ils veulent me brûler, me condamner à mort. Et en fait, c'est Lunette. Et elle dit « Voilà, bah comme Yvain s'est barré, en fait, il voit les conséquences de ses actions. Comme il n'a pas été un bon défenseur du château, bah, les gens se sont retournés contre Lunette parce que finalement c'était son idée à la base qu'elle épouse Yvain. Et du coup Yvain dit bah, je vais vous sauver, je viendrai me battre pour vous en combat judiciaire. Mais auparavant il trouve refuge dans un château qui est menacé par un géant, un certain Harpin de la montagne, qui demande à ce qu'on lui donne la fille du seigneur. Et il a déjà pris en otage les trois fils du seigneur, il les retient, et il dit soit vous me donnez la fille pour que je puisse en faire ce que je veux, et puis clairement il veut en disposer sexuellement, et sinon je tue vos fils, donc vos héritiers. Donc le seigneur est un peu, il dit soit je donne ma fille pour qu'elle soit malmenée, en plus le géant dit maintenant j'ai plus vraiment envie de votre fille, je vais la donner à ma valetaille pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent, donc voilà, soit vous livrez votre fille au pire outrage, soit je tue vos fils qui sont vos héritiers. Et donc Yvain va affronter le géant. D'ailleurs, l'hôte est visiblement le marié, ou soit le frère, soit marié, plutôt probablement une sœur de Gauvin, parce que la fille est la nièce de Gauvin. Et d'ailleurs, elle cherchait le secours de Gauvin, mais en fait, il est parti chercher Guenièvre. Donc ça nous indique que, entre le moment, du coup, le premier épisode, c'est-à-dire la Pentecôte, se passe une année, disons qu'on l'appelait l'an 1. En août de la deuxième année, il devient fou parce qu'il est répudié par l'Odin. Après un moment, visiblement après plusieurs mois de folie, il est soigné. On est entre l'Ascension et la Pentecôte de l'an 3, et c'est plus ou moins à ce moment-là que, justement, Lancelot et Gauvin sont partis à la recherche de Guenièvre, qui est emprisonné par Méléagant dans le Chevalier de la Charrette. Donc on a un lien entre les deux, qui va de Yvain à Lancelot, qui va pas dans l'ascension inverse. Un chrétien de Troyes Extended Universe. Voilà, c'est ça. Bon, c'est assez cohérent, finalement, avec le reste du... Yvain se fait appeler le Chevalier au Lion. Le Chevalier au Lion. Et il revient, après avoir cette aventure, il revient chez Lunette. Attends, je cherche... Et donc Yvain se bat contre le géant, qui se bat avec un épieu, il tire son épée, il trouve le géant sans protection parce que le géant a fait tellement confiance à sa force qu'il a même pas d'armure, et avec le tranchant il le frappe de telle sorte qu'il lui enlève une bonne tranche de la joue. L'autre lui assène un grand coup. Le lion aide son maître, s'agrippe de toutes ses forces à la peau velue du géant, il la fend comme une écorce, lui enlevant un grand morceau de la hanche et lui tranchant les nerfs et les gigots. Le géant lui échappe en mugissant et en beuglant comme un taureau. Yvain arrive à frapper plusieurs fois de son épée le géant, et il enfonce toute la lame à travers le foie, et le géant tombe mort. Donc avec l'aide de son lion, il parvient à vaincre ce géant et à secourir cette famille qui était à sa merci. Et donc il doit retourner chez Lunette. Il hésitait à la base à les aider parce qu'il se disait « Ah, mais je dois aller aider à ce jeu. » Il n'était pas sûr d'avoir le temps de revenir à temps pour sauver Lunette, en fait, pour son procès. Donc, il hésitait un peu à sauver. Je trouve que c'est une tergiversation qui est déjà plus compréhensible que celle de Lancelot, par exemple, parce que quand Lancelot, il voit cette dame avec ce simulacre de viol... L'épisode est un peu bizarre parce que bah, déjà, au final, on vous dit que c'était une supercherie, que c'était pour le tester. Même lui, il a un peu hésité. Hein. Il dit je devrais faire ça, mais en même temps, je suis venu pour sauver Gagnère. Mais il n'est pas pressé par le temps, donc on ne voit pas pourquoi il hésite. Parce que là, au contraire, il vient presque entièrement tourné vers autrui tout le long de sa quête. Donc il est beaucoup plus altruiste. Il abandonne presque complètement ses problèmes personnels à partir de ce moment-là et il aide successivement différentes personnes. Sans vraiment d'égard pour ce que lui il veut. Et donc il retourne, hein. Il retourne et il dit le sénéchal et ses deux frères, ils disent cette femme nous a trompé, machin, on va la battre. Puis il dit ok, bah je vais vous affronter tous les trois. Il va réussir à innocenter Lunette en la sauvant. Il en tue un, son lion combat les deux autres. Son lion est blessé pendant le combat, mais du coup ce qui remplit Yvain de rage, il a une certaine affection pour son lion et il se jette sur eux et il parvient à les vaincre. Et Lunette est du coup réconciliée avec sa maîtresse. Ok, la suite de l'aventure après qu'il ait sauvé Lunette, c'est qu'il y a une querelle qui a émergé entre les deux filles du seigneur de l'anneau épine, donc de nouveau un problème d'héritage, des femmes qui tiennent un domaine seul, et puis ça cause des problèmes. Là, en l'occurrence, c'est aussi une spoliation par l'aînée, disons, la fille aînée veut rien donner à la fille cadette, sa sœur, ce qui crée un conflit. La sœur aînée a trouvé Gauvin pour la défendre, ce qui est un peu le top pour se défendre en termes de duel judiciaire, et la sœur cadette, du coup, cherche un champion. Et elle tombe sur Lunette qui lui indique que... Enfin, elle cherche le chevalier au lion d'abord. Le chevalier au lion. Et Lunette lui indique la route par laquelle le chevalier au lion est parti. Elle le suit avec... Elle suit la route un peu avec elle. Elle lui donne un palfroid, je crois, d'ailleurs. Ouais. Donc Yvain rencontre la demoiselle et il dit « Bon ben, je vous défendrai. » Ce qui va mettre en place le combat final contre Gauvin. Et ils tombent ils chevauchent ensemble pour tourner chez le roi Arthur. Et là, ils tombent sur un château qui s'appelle le château de la pire aventure, de Pesme Aventure. Ouais. Où il y a des jeunes filles, 300 jeunes filles, 300 pucelles, qui sont retenues apparemment contre leur gré à cause d'une espèce d'ancienne malédiction. Elles sont maigres, affamées, pauvres, elles sont en train de faire des travaux de broderie, des travaux de tissu. Il nous dit qu'il y a deux personnages qui sont des fils de diable. Ils sont les fils d'une femme et d'un netoun. Donc d'une espèce d'un espèce d'incube, qui sera aussi l'histoire d'origine de Merlin chez Robert de Boron. Et ces deux-là devaient combattre contre le roi de l'île aux jeunes filles. L'île des Pucelles. Mais l'île des Pucelles, le roi avait grand peur et il se tira d'affaire du mieux qu'il put. C'est-à-dire qu'il jura qu'il enverrait chaque année, aussi longtemps que le pacte sera en vigueur, 30 de ces jeunes filles. Donc apparemment, ça dure depuis au moins 10 ans, si on compte pas les jeunes filles qui meurent ou comme ça, vu qu'il y a 300 jeunes filles. Mais le jour où ils sont défaits en combat, bah peut-être qu'elles seront libérées. Alors bien sûr, vous le devinez très bien, Yvain va tenter de libérer ces jeunes filles. Elles chantent justement qu'elles sont exploitées, que 4 deniers de la livre, or avec ce salaire, nous ne pouvons pas acheter assez de nourriture ni de vêtements, car ce qui rapporte à l'exploiteur par semaine 20 sous n'est pas à l'abri du besoin. Elles font une espèce de chanson de leur misère, où elles expliquent... On les menace de leur infliger des mutilations, de les rendre infirmes, donc elles travaillent sous la menace de châtiments corporels. Une grande partie des nuits, nous voyons, donc c'est pratiquement un sweatshop. Hein. C'est vraiment dans la dimension... Une mise en scène de l'exploitation qui est vraiment dans sa dimension la plus totale, et elles sont coincées là. Yvain affronte les deux fils de démons, qui clairement, de par leur nature diabolique, sont très forts. Ils veulent pas que le lion les affronte, donc ils l'enferment. C'est cette fois-là, en fait, qu'ils enferment le lion dans une pièce à côté pour pas qu'il puisse aider Yvain. Mais le lion arrive à se libérer et à se jeter dans le combat. Yvain, bien sûr, réussit à battre les deux démons. Et en échange, le roi de l'île des Pucelles lui offre sa fille, je crois, ou le seigneur de l'île des Pucelles lui offre sa fille, qui refuse, parce que... Yvain refuse, donc cette fois-ci, contrairement à la première fois, il n'accepte pas, disons, le premier mariage venu, on va dire, et il dit « Je veux pas une parcelle de cette souveraineté, puisse Dieu ne jamais me la donner, puisse votre fille vous rester, et avec elle, l'empereur d'Allemagne serait bien loti s'il l'avait épousée, tellement elle est belle et bien élevée. » Donc il dit « Oui, c'est une très, très gentille fille, mais il a l'air d'être un peu plus conscient de ses obligations, ses obligations vis-à-vis de son épouse, même si elle l'a répudiée. Ce qui amène les deux épisodes finaux. Donc il y a le combat, le duel judiciaire contre Gauvin. Les deux, bien sûr, vous imaginez, ne se reconnaissent pas. Enfin, voilà, comme d'habitude, les chevaliers, quand ils sont en armure, ils se reconnaissent pas. Ils se battent avec une telle véhémence que évidemment le combat est à égalité. Ils sont au corps à corps. C'est pas si courant que ça d'ailleurs, un combat qui est parfaitement égal. Ouais. C'est assez, ça indique bien que Yvain et Gauvin sont vraiment égaux en tout point de vue, quoi. Ils arrivent pas à se charcuter. Ils se parlent et ils disent bon, on n'arrive pas vraiment à se départager. Puis ils se rendent compte en fait que ils se reconnaissent l'un l'autre et ils s'embrassent l'un l'autre dans les bras et du coup ils se manifestent leur joie. Ils sont quel hasard, bonheur de se revoir. Et du coup, le combat est un peu en stand-by. Et Arthur parvient à résoudre le problème avec une espèce de calembour. Et il fait c'est vrai que le combat est un peu en panade, mais où est cette dame qui avait spolié sa sœur cadette? Ah, c'est moi. Ah, donc vous avez reconnu que vous avez spolié votre sœur cadette. et apparemment, il arrive à reconnaître. En fait, c'est ça qu'il résout. Il dit voilà, le combat est égal. Et il dit comme le combat est clairement égal, je peux décider qui a gagné. Donc soit vous acceptez de donner une parcelle de terrain à votre sœur cadette, soit c'est moi qui vais intervenir et je vais tout lui donner ou je vais faire quelque chose de plus injuste. Donc vous avez intérêt à vous entendre, sinon ça va barder. Et ça résout ça. Yvain, le roman se conclut quand Yvain retourne à la fontaine, il déclenche un orage, ce qui lui permet d'obtenir une audience avec Laudine, qui est là genre assez terrible, quelqu'un a déclenché une tempête, mais il n'y a personne pour le défendre. Parce que c'est Lunette en fait qui revient vers elle, qui le voit, qui... Lunette se plaint, Laudine se plaint à Lunette qu'il n'y a personne. Lunette va voir et en fait, c'est Yvain. Puis elle dit, vous savez, il y a un certain chevalier au lion qui est très fort et qui apparemment m'a bien aidé à aider des gens et peut-être qu'il pourrait remplir ce rôle. Et il arrive et puis elle dit, en fait, ce chevalier, c'est votre mari Yvain. Puis elle dit, tu m'as bien nu, je ne savais pas que c'était Yvain. Bon, maintenant, je suis obligé. Elle, plus ou moins, elle arrive à lui arracher la promesse qu'elle lui accordera une audience gentille. Et puis Yvain dit, finalement, je veux bien revenir vers vous, mais cette fois-ci, je me comporterai bien et je respecterai mes engagements vis-à-vis de vous. Et comme Laudine a été plus ou moins trompée à promettre ça, elle peut pas revenir sur sa parole. Et puis elle dit, d'accord, je vous donne une deuxième chance. Et cette réunion conclut l'histoire d'Yvain. Bon, il admet quand même toutes ses erreurs. Hein. Il dit pas, vous avez été pas raisonnable et tout. Il se met à genoux, limite, devant elle. Et elle dit, je veux bien, il vous vient un plaisir, je vous l'accorde. Et du coup, il obtient son pardon. Et il est très heureux et... Évidemment, à la fin, c'est Lunette, ça se termine sur Lunette, justement, qui est très contente. Lunette tient il moultaise, ne il faut de choses qui lui plaisent, elle n'a rien qui lui manque, qu'elle ne veuille. Qu'elle a la paix faite sans fin, la réconcilie pour toujours. Demande Seigneur Yvain le fin, et de sa michière et fine, donc Monseigneur Yvain le fin, le parfait amant, selon ma traduction, et sa chère amie, la parfaite amante. Del chevalier à Lyon fin, parce que le chevalier du Lion est maintenant fini. Chrétien son roman ici, onc plus dire n'ennui. N'y a plus n'en aurais compter, son nivelt mensonge. J'ai ajouté de nouveau l'idée qu'on ne pourrait pas en dire plus sinon on rajouterait des mensonges. Donc il y a toujours cette prétention de je vais vous raconter la vraie histoire. Vous pourrez entendre peut-être des variantes, mais moi c'est la vraie de vraie. Oui, c'est ça, c'est vraiment cette idée qu'il y a une matière sur laquelle il se base et qui vous dit toute la vérité, rien que la vérité et seulement la vérité. Qui a une espèce de dimension revendiquée, disons, un peu peut-être à l'encontre de ce que disait Wass avant, qui était vraiment, il y a des mensonges et des vérités, moi je vous raconte la vérité et tout ce que vous lirez en dehors, c'est des mensonges. Là, il y a une façon de rajouter, pas forcément que c'est exactement la vérité historique, je pense, mais qu'il y a une fidélité à l'histoire originale, en tout cas. Peut-être pas sans vouloir forcément dire, c'est nécessairement la vérité vraie, absolue, il n'y a rien là-dedans qui vous mettra en tort, mais c'est vraiment, disons, une version admise. De l'histoire, pas simplement une version qu'il a inventée. Le personnage de Yvain existait sous une certaine forme dans la littérature galloise probablement qui précédait Owen. Owain, on en reparlera probablement quand on parle du Mabinogion et de ces histoires-là, de ces itérations-là des histoires, ce sera plus évident à ce moment-là. C'est un personnage qui va pas forcément être très important, c'est-à-dire qu'il reste un peu en second plan, on va le mentionner un peu, mais si on prend les grands drames arthuriens ou les grands cycles arthuriens, il va pas avoir un grand rôle, surtout quand, à partir de Perceval, on va avoir la quête du Graal, Yvain a un rôle de second plan, disons, dans le grand tableau arthurien, ça va pas être un traître qui fait tomber le royaume, il a pas de relation adultérine avec Guenièvre comme Lancelot, il est pas très important pour la quête du Graal, donc malheureusement, dans la suite, ce personnage va être un peu occulté, alors puis aussi il déparie un peu, je veux dire, il a un lion qui le suit un peu partout, ce qui est un trait assez... qu'il met peut-être un peu trop à part. Puis il est aussi, finalement... il est fixé avec sa dame en Bretagne, il n'est pas censé non plus... Son histoire est... Justement, basée sur le principe de... Il n'est pas censé se barrer n'importe quand. Histoire est complète, mais on pourrait penser qu'on le verrait de temps en temps, que des gens... On le voit, il apparaît dans d'autres... Il apparaît régulièrement, mais il n'est pas simplement effectivement un chevalier aussi aventurier. Tout le principe, c'est justement que vu qu'il a une dame et qu'il a des responsabilités au-delà de. C'est fini les rigolades. Voilà, c'est le chevalier casé, quoi. Après, moi j'aime beaucoup cette histoire. J'avais fait une bande dessinée il y a quelques années, il y a 3 ans, j'avais fait une bande dessinée que j'avais appelée La Vengeance Yvain, où je reprenais justement l'histoire d'Yvain parce que je trouve qu'elle est finalement très, très intéressante, quoi. Je trouve que tous les éléments qu'on trouve, ou bah, comme on a dit, ce qui traverse un peu, je pense, un des thèmes centrales, c'est la condition féminine médiévale, en tout cas en France. Et comment est-ce qu'une femme gère un domaine seule? Elle peut pas. Et quelle relation ça implique qu'elle a avec les hommes qui sont forcément leurs rivaux ou qui essaient de les déposséder ou leurs protecteurs? Bon, et bien sûr, comme on a dit, c'est pas vraiment un roman féministe. C'est des passages qui sont très misogynes sur « Oh, Laudine, tu hésites 5 minutes avant d'épouser le meurtrier de ton mari. » Vraiment, les femmes... Souvent, femmes varient, hein. Oui, les femmes, vous n'êtes pas très raisonnables, quand même. Oui, non, il y a ça. C'est vraiment pas un roman qu'il faut voir comme le message idéal d'harmonie. Non, c'est très paternaliste, mais c'est un thème qui est très présent. Et je trouve que, justement, c'est dommage, peut-être, que par la suite, on va vraiment ancrer ces histoires dans une espèce de Moyen-Âge fantasmé. Et les demoiselles asservies dans cette espèce de fabrique de tissus affamées, c'est quelque chose qui va nous sembler étranger parce qu'on va vouloir un tableau, finalement, on va garder que les éléments qui sont un peu fantastiques et nobles et les combats. Et ça, finalement, ça dépareille parce qu'on se dit, bon, bah, on va laisser ça. Ça, pour nous, ça appartient à, je sais pas, à la révolution industrielle. Ça fait partie de l'imaginaire arthurien. La popularisation, ça va disparaître de l'imaginaire arthurien alors que je pense qu'il y a beaucoup de ces thèmes, finalement, sociaux qui auraient leur place là et qui vont être un peu éludés pour des thèmes, disons, peut-être allégoriques, religieux, des mises en scène de la vertu qui sont peut-être un peu plus, justement, aseptisées. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour des œuvres qui sont peut-être plus... des deux œuvres, donc, vraiment très abouties et complètes de Chrétien, donc Lancelot et Yvain, qui sont, on l'a vu, hein, très liés à la fois dans leur période de composition, probablement, très certainement dans la chronologie qu'on veut leur donner, et aussi dans le fait que ce sont deux œuvres complètes, vraiment avec, disons, une unité narrative. Et on peut penser que c'est Yvain, enfin, on peut débattre, hein, mais je trouve qu'Yvain est peut-être un peu et plus plaisant narrativement, en tout cas pour nous de nos jours. Mais c'est assez intéressant que ce soit finalement Lancelot qui a connu le plus grand succès, peut-être aussi parce que Lancelot était finalement le plus simple, le moins dangereux dans ses questionnements. Il n'y a pas cette histoire complexe quand même de tuer un mari, d'épouser la femme, c'est quand même même si c'est quelque chose de normal, relativement normal. C'est quelque chose qui fait sens, mais ça, c'est pas forcément très c'est pas les grandes histoires d'amour, quoi. C'est pas l'amour fou qu'on a entre Lancelot et Guenièvre qui est basé sur des sentiments très profonds. À la base, au début, c'est un mariage de raison, même si Yvain est amoureux d'elle. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi un personnage féminin relativement autonome qui est celui de Lunette, qui est un personnage assez unique, je trouve, dans la littérature arthurienne. À la fois Laudine et Lunette. Et puis, il y a justement, je trouve, c'est un des problèmes un peu de ces théories celtisantes qui disent « En fait, Lunette et Laudine, c'est des visages de la souveraineté celtique. » Finalement, c'est pour dire, oh mais non, il peut pas y avoir des personnages féminins, le personnage féminin représente forcément quelque chose d'autre. Si un personnage féminin est plus que, disons, un objet du récit, ça veut dire que ça représente un concept plus élevé. Fonction, ouais. Et je pense que c'est quelque chose qui est très spécieux, puis finalement, qui empêche pas forcément de saisir la richesse de ces histoires. Lunette est particulièrement, disons, un personnage très presque réjouissant, en fait, à voir. Oui, elle est très... Ce personnage de servante est plus astucieuse que tout le monde, puis qui arrive à embobiner un peu tout le monde au-dessus d'elle, qui fait bien sûr penser à Molière ou Beaumarchais. Mais Laudine elle-même est assez indépendante, et puis on a aussi quelques éléments de sa psyché, de ce qu'elle pense de Yvain et de comment elle envisage ce problème, de son deuil et de sa réconciliation avec Yvain. Des œuvres finalement assez riches, on voit que Chrétien a vraiment atteint sa vitesse de croisière. Celle qui nous reste à regarder dans les œuvres de Chrétien de Troyes, c'est son Perceval, son Conte du Graal, qui là va être une coupure peut-être encore plus grande dans la littérature arthurienne, parce que c'est là qu'on va voir le thème du Graal qui va être finalement inséparable de tout ce qui va être fait après, et qui, malheureusement, est resté inachevé, ce qui est peut-être aussi une part de son succès, que tout le monde va essayer d'achever cette histoire, alors que Chrétien n'a pas pu le faire. Je pense que c'est intéressant, parce que dans notre imaginaire, peut-être, le Graal est très important, voire essentiel, mais dans l'immédiat, même si le Graal va prendre un rôle très important, Lancelot et le Graal sont vraiment importants, quasiment égalité. Ouais. Et même si on va après chez Malory et la culture anglaise arthurienne, disons, ce qui a amené vers Tennyson, le Graal est finalement relativement secondaire comparé à, à l'aventure de Lancelot. Alors qu'en France, c'est peut-être un peu plus l'inverse. Pour un moment, en tout cas, le Lancelot Graal, enfin, il y a quand même le Graal va prendre peut-être plus d'importance en partie à cause de Robert de Boron et d'une littérature française beaucoup plus grande, alors que le Graal va être relativement peu repris jusqu'à Mallory en fait en Angleterre. Mm-hmm. Mais enfin, c'est là qu'on introduit la partie vraiment la plus mystique peut-être de la littérature arthurienne. Il y a un thème, ce qui va se montrer, qui va commencer à se montrer dans Perceval, qui n'est pas forcément achevé, mais c'est une dimension spirituelle extrêmement importante, disons, dans la quête de Perceval. Le côté, disons, on ne sait pas exactement comment il aurait fini son histoire, et on ne sait pas exactement quel sens exactement il aurait donné au Graal, mais il y a des éléments de l'histoire de Perceval qui sont clairement liés à disons, la liturgie chrétienne, et à la, peut-être, si on veut, la spiritualité chrétienne, et qui en font un thème qu'ils mettent à part par rapport aux autres, où, disons, l'amour courtois et la chevalerie étaient un peu les tensions principales. Chez Perceval, il y a clairement autre chose, et c'est ça qui va inaugurer, disons, un nouvel âge de cette littérature. Je me demande si c'est pas aussi un écho, le succès relatif de Perceval, en tout cas. On me demande peut-être une conception de la chevalerie qui va quand même évoluer à partir du XIIe, XIIIe siècle. On va partir plus loin d'une dimension purement héroïque, les chevaliers qui sont les soldats à tout faire, et on va passer à une époque où les chevaliers vont devoir composé avec le fait de n'être plus, finalement, bien plus tardivement que Perceval, hein, je parle du 14e, là. Ouais. Mais à partir du 14e, 15e siècle, finalement, les chevaliers qui vont devenir de plus en plus en retrait et avoir des rôles de plus en plus... La noblesse va avoir un rôle de plus en plus loin ils vont toujours combattre, mais ce sera, disons, d'une façon plus lointaine. Il n'y a plus, peut-être, cette dimension-là, et une dimension peut-être spirituelle plus importante du rôle du chevalier va se manifester. Je ne sais pas si c'est peut-être lié à ça aussi. En tout cas, il y a une dimension effectivement très différente qui va intervenir à partir de Perceval. Et je pense que ce sera intéressant de se pencher sur ça. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus trop surestimer. On donne facilement une grosse dimension spirituelle à Perceval. Je pense que c'est plus le produit des successeurs de Chrétien. Oui, sur ça que Chrétien lui-même, parce que Chrétien, le Graal, c'est un Graal. C'est mystérieux, mais le Graal en lui-même n'est pas finalement ce qui est essentiel. Mais c'est l'apparition peut-être des éléments mystérieux arthuriens. Et ça, de l'inexpliqué. On va pouvoir commencer à en parler, bien sûr, que commencer à en parler la prochaine fois. On espère que vous nous suivrez jusqu'à là. On espère que vous nous suivrez pour le dernier épisode sur les œuvres de Chrétien de Troyes, qui, comme vous en rendez certainement compte, sont très très importantes dans l'élaboration de ce canon arthurien. Et on suivra sans doute après avec les nombreuses continuations et matériaux successifs à Chrétien. Jusqu'à des œuvres aussi marquantes que Transformers The Last Knight, qui parachève. La légende arthurienne. Et du coup, on espère vous voir à ce moment-là, et on vous dit à la prochaine fois. À la prochaine fois. Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa. Salut, c'est Pipo. Salut, c'est Gotoz. On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo. Du récent ou du rétro, de la console ou du PC. Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes. Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés. Et on s'intéresse à ceux qui la font. On est les démons du midi, tous les mois sur Radio Kawa.